Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. On en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 5, épisode 36. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Si vous souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire à notre adresse email que voici. Démocratie Participative en un seul mot. Pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète. Démocratie participative, en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Cette adresse peut vous servir pour nous suggérer une information, c'est-à-dire un article de presse ou autre, nous poser une question éventuellement, ou si vous nous faites un don pour nous signaler que vous l'avez fait. Vous pouvez aussi, nous envoyer un témoignage. Vous savez que nous prenons toujours des témoignages de la vie quotidienne. Si vous avez une anecdote par rapport à votre lieu de travail, par rapport à une rencontre en famille, par rapport à un incident dont vous avez été témoin ou autre, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à nous raconter ce qui vous est arrivé et qui est en lien, bien évidemment, avec les sujets qui intéressent traditionnellement notre émission et je crois que vous les connaissez. Vous pouvez aussi participer à notre forum EELB.SU, Europe Écologie des Brins, donc EELB.SU, qui vous permet en fait, premièrement, de commenter les articles qui paraissent sur le site Démocratie Participative, bien évidemment, mais aussi de discuter de sujets d'actualité, de sujets de fond, de sujets historiques, de poser une question, que ce soit en informatique ou autre, c'est toujours utile, voilà, quand on a un petit truc à demander, ou aussi pour demander quel ouvrage il serait bon de lire sur tel ou tel sujet. Enfin bref, c'est un forum, très polyvalent, et n'hésitez pas à vous y inscrire. Et enfin, gab.com, qui est un réseau social qui ne pratique pas la censure, réseau social américain, qui aujourd'hui est, comme je l'ai dit, le seul qui ne cherche pas à empêcher les gens de notre sensibilité à s'exprimer. Donc je recommande toujours très chaudement gab.com. Alors, avant de citer les dons que nous avons reçus cette semaine, je vais procéder à la présentation des membres qui participent avec nous aujourd'hui. Je vais commencer d'abord par Pierrot. Pierrot qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Comment vas-tu, cher Pierrot? Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Je vais très très bien. Ça me fait plaisir d'être avec vous comme toutes les semaines. Fulbert est aussi avec nous. Comment vas-tu, cher Fulbert? Eh bien, je vais bien. Merci, Gandalf. Bonjour à toi et à tout le monde. Diabolix nous fait le plaisir d'être avec nous cette semaine. J'espère qu'il va bien. J'espère qu'il est motivé pour cette émission. Pleinement motivé. Tout va bien. La vie est belle. Go! Formidable. Est aussi avec nous, bien évidemment, Sa Majesté, tout de pourpre, n'est-ce pas, cardinal de l'Église qu'on ne présente plus, l'Église de négrolâtrie. Mais je tiens à souligner, pour certains qui auraient pu l'oublier, que Derek est aussi, en plus de sa qualité de cardinal, il est en plus titulaire de la chaire de négrologie. Et grâce à lui, on en sait beaucoup sur Sa Majesté, l'Éternel. Comment vas-tu, cher Derek? Oui, ça va bien. Alors, juste petite précision, ce n'est pas du pourpre, c'est du bleu. Nos amis sont pas bleu pétrole. Ah, d'accord, oui. Ah oui. Ça dépend de la lumière, c'est peu trompeur. Oui. C'est ça. Tout à fait. Important de le préciser, nous ne nous trompons pas, Un détail qui a son importance. Alors, les dons, je tiens à remercier tous ceux qui nous soutiennent, les anonymes qui ne se signalent pas, et ceux qui se signalent aussi grâce à notre adresse email que j'ai citée, qui nous envoie un petit message d'encouragement en plus d'un don. Alors, le premier don. Bonjour, chers démocrates, je vous fais parvenir mon don trimestriel de 1,088 monero. Cela m'a fait sourire d'entendre parler d'Orléans lors de la précédente émission et des aventures d'une panne qui a causé du tort à trois hommes innocents. Cette ville que je connais est peuplée à 50% d'afro-maghrébins et plus de 90% dans ses banlieues dites sensibles. Tout le monde y vit en harmonie, dans la joie et la négresse, et les pannes n'ont que l'embarras du choix pour se faire fourré au bout d'un noir. Alors, pour parler de choses plus sérieuses, je compte apporter mon soutien à Hervé, oui, Rissen, on va en parler dans l'émission, hein, en lui achetant un de ses livres, et j'encourage tous les auditeurs à faire de même. Le combat continue et des jours meilleurs s'offriront à nous. Bon courage à tous. Et c'est signé FL. Merci à toi, cher FL, et merci pour ce message. Don numéro 2. Salut l'équipe, je vous ai envoyé 0,56 monero. Ce jour, longue vie à vous. Salutations spéciales au cardinal. C'est signé Tyler. Salut Tyler. Don numéro 3. Don de 0,5 monero. Petit message de soutien à Hervé Rissen s'il écoute cette émission. Malheureusement, ça m'étonnerait. Hein. Et c'est signé Mélas Autocrator, qu'on connaît. Hein. Donateur régulier, nous en avons comme ça toute une série de mécènes hein, qui sont fidèles. Et qui nous permettent de poursuivre. Et donc, merci à Mélas pour sa fidélité. Don numéro 4, bonjour à toute l'équipe, merci de me confirmer la réception des quelques chèques envoyés, soit environ 0,037 monero. Merci pour tout votre travail. J'en profite pour vous demander votre avis sur l'eugénisme. Je ne sais plus si le sujet avait déjà été abordé dans une émission précédente. Salut à la victoire, et c'est la Société française d'eugénisme qui nous pose la question. Ah. Alors, merci pour ce donateur. On a dû l'aborder de manière transversale au fur et à mesure des émissions, genre par touche, un petit peu pointilliste, comme ça. Ma foi, on peut répondre, oui. Qui a envie de dire un truc là-dessus Je crois qu'on a dû évoquer Alexis Carrel quelques fois par l'intermédiaire de notre camarade Alexis qui n'était pas là aujourd'hui. Oui. Charles Richer, on a eu les docteurs... c'était plutôt un courrier des lecteurs sur le docteur Porot, oui. Si vous vous souvenez. Voilà. Mais oui, ben, l'eugénisme, bien entendu, c'est sûr que c'est une nécessité. Hein, encore faut-il que ce soit bien fait. Alors, moi, je vais donner mon avis. Je suis là pour ça. Je suis favorable à l'eugénisme, en fait. Alors, je sais que traditionnellement, à droite, en fait, il y a, comment dirais-je, on va dire la droite catholique s'y oppose, hein, au nom d'une forme de bioconservatisme qu'on peut retrouver. Bon, je ne vais pas revenir sur les positions traditionnelles du mouvement de la droite catholique sur ces questions. Bon, c'est cohérent hein, du point de vue catholique. Bon, voilà, ça n'est pas surprenant, disons. Mais moi, j'ai un point de vue complètement différent. D'une manière générale, face à la technologie, j'ai un point de vue qui est très différent. Je pense qu'on ne peut pas, et qu'on n'a jamais pu, empêcher une technologie de révolutionner l'ordre social. Toutes les révolutions politiques, en réalité, sont toujours les conséquences de révolutions technologiques. C'était vrai avec la première révolution industrielle, c'est vrai avec la deuxième révolution industrielle. Et il est tout à fait évident que, avec la révolution génétique que l'on connaît, plus aussi les progrès considérables de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la puissance de calcul des ordinateurs, donc quand on couple, je veux dire, ces deux paramètres, il est illusoire de croire que on pourrait bâtir une société qui soit totalement imperméable à ces avancées, tout simplement parce que si vous adoptez pendant un temps une attitude, j'allais dire, isolationniste, protectionniste contre ce genre de technologie, en fait, vous vous faites surclasser par des puissances qui les adoptent résolument. C'est le cas de la Chine, par exemple. On sait que la Chine est très en avance sur ces questions. D'ailleurs, ils mettent à l'honneur toute une série d'intellectuels et de chercheurs occidentaux qui font par exemple des liens entre race génétique et intelligence. Et les Chinois n'ont pas les tabous égalitaristes que nous avons et antiracistes que nous avons, qu'on nous impose plus exactement. Donc ce sont des gens qui n'ont aucun problème avec ces concepts-là, et donc qui veulent clairement améliorer, entre guillemets, leur race par le recours à ces nouvelles technologies. Mais ça peut être vrai dans le domaine de la santé et de toute une série d'autres choses. Bon, si vous voulez, on peut avoir une attitude de refus philosophique, mais c'est comme, si vous voulez, avec, l'insémination artificielle, etc. Bon, l'Église catholique a une position de refus. Bon, quand vous regardez les pays qui l'appliquent, je veux dire, c'est partout. Donc, bon, au bout d'un moment, si vous voulez, c'est un refus qui devient totalement symbolique. Il n'a plus du tout de prise sur la réalité. Et je pense que, d'une manière générale, c'est ce qui se passe avec la technologie. Donc, je suis favorable à l'eugénisme. Maintenant, la question, c'est dans quelle direction on guide une politique eugéniste. Je pense que ça serait nécessaire, oui, tout à fait. Que ce soit pour éradiquer des maladies héréditaires, que ce soit pour résoudre le problème de la natalité durant ce siècle ou même au 22e siècle, etc. Toute une série de nouveaux champs comme ça de recherche et de possibilités qui vont apparaître, et moi je vois pas pourquoi on dirait non. Alors après, évidemment, il y a des balises à poser, bon, mais ça serait une discussion très théorique. Mais a priori, si vous voulez, oui, je suis favorable, bien sûr. Est-ce que je peux rajouter un petit truc là-dessus? Quand je parlais de faire les choses correctement, j'avais un exemple en tête, c'est celui de la Suède. La Suède a pratiqué pendant des décennies une politique eugéniste qui visait à... de stérilisation, je pense, mais faire en sorte que les personnes qui étaient réfractaires à l'ordre établi ne se reproduisent pas. Donc, une pratique eugéniste pour obtenir une forme de consentement social, de domestication sociale. Voilà. Des masses. Le truc, c'est que ça a tellement bien marché, on voit ce que c'est, quoi. Hein. Un pays de bonnes femmes, rempli de migrants qui obéissent à tout et qui pleurent parce qu'ils ne peuvent pas accueillir assez de nègres, tu vois. Donc, on a vu ça. Enfin, je précise simplement sur ce que tu as dit sur l'histoire des pleurs. En 2015-2016, quand la Suède était saturée de migrants parce qu'ils affluaient de partout et qu'ils ne pouvaient plus recevoir et que la tension était énorme aux frontières, ils ont dû refuser, et on a vu une ministre suédoise en charge de la situation, je ne sais plus si c'était le premier ministre, ouais. Etc. Elle était en pleurs devant les caméras parce qu'elle ne pouvait pas en prendre plus. Donc quand Derek dit ça, c'est pas juste une image, ça s'est vraiment passé, c'était face caméra. Oui. Ça n'est pas de l'exagération de néo-nazis, hein, pas du tout, c'est la vérité. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les bonnes intentions qu'on peut vouloir faire dans ce genre de cas, parce que ça peut donner des conséquences, ma foi, pas très rigolote. Hein. Oui, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Voilà. Pour Oula. À côté de la Suède, nous avons la Norvège, qui jusque dans les années 70-80 avait, dans le cadre de son plan eugénique, l'autorisation, par décision d'un magistrat, de trépaner les homosexuels. Je trouve que c'est une idée fort sympathique. Alors, ça, effectivement, c'est intéressant. C'est une mesure qui est peut-être un petit peu médiévale, je veux dire, parce que c'était assez... ils avaient les moyens du bord. Je pense qu'aujourd'hui, il y aurait des moyens indolores, très efficaces, pour obtenir le même résultat. Hein. Oui, parce que maintenant, malheureusement, les homosexuels peuvent se reproduire, donc ça rentre dans le cadre d'une politique eugéniste. Ils ne transmettent pas leurs gènes, ou très imparfaitement, la plupart du temps, ils adoptent, en fait. Hein, mais c'est pas plus glorieux, je te l'accorde. Pour compléter l'histoire des technologies qui amorce des changements radicaux de paradigme. Moi, le premier exemple qui vient en tête, c'est l'essor du protestantisme, qui n'aurait pas pu naître sans l'imprimerie. Oui. Juste pour participer aussi par rapport à cette discussion, je trouve que le débat, quand on l'aborde, il est souvent restreint. L'eugénisme, c'est pas seulement éliminer les faibles. En fait, l'eugénisme, c'est surtout établir une sélection. Donc, éliminer les faibles, ça peut prendre différentes formes. Je ne parle pas d'éliminer, physiquement des faibles. Par exemple, ne pas soigner quelqu'un qui serait très faible. Mais c'est aussi favoriser l'effort. Voilà. Une politique économique qui considérait que tel groupe humain a un patrimoine génétique supérieur et du coup donnerait de l'argent plus facilement pour que les couples fassent plus d'enfants, ça rentre dans le cadre d'une politique eugéniste, tout à fait. Bah, la France aujourd'hui, il n'y a pas que la France, c'est le monde occidental, traverse une crise raciale qui est d'abord le pullulement des médiocres et le rétrécissement et même, j'allais dire, une politique consciente anti-élitiste au plan biologique. Donc c'est ce qu'on appelle le communisme racial, une forme d'égalitarisme radical qui passe par enfin, qui s'applique au champ biologique. Tout simplement, comment? Vous allez me poser la question, comment? Bah, par l'immigration de masse. Quand vous faites venir par millions des gens qui ont 80 de QI, pour ne parler que de l'intelligence, et Dieu sait qu'il y a d'autres tares qui viennent avec ça, des maladies et autres, des maladies héréditaires, j'entends, vous abaissez considérablement votre potentiel racial, le potentiel racial de votre population. Donc, ce à quoi on assiste, en fait, c'est un nivellement par le bas de la qualité biologique du matériel humain dans le monde occidental. Donc, ça, c'est ce qui est aujourd'hui pratiqué. Donc, il nous faut une politique eugéniste. J'ai même envie de dire que la résistance à l'immigration, l'impulsion première derrière le refus de l'immigration, est une impulsion eugéniste. Nous ne voulons pas d'immigrés extra-européens parce que l'on sait que la qualité biologique de ce matériel est extrêmement médiocre et qu'elle nuit à nos sociétés. De toute une série de façons, je ne vais pas revenir là-dessus, on l'aborde assez souvent à longueur d'émission. Mais la première impulsion, la première inclination des gens qui refusent l'immigration, même si c'est de l'ordre de l'inconscient, c'est de protéger eugéniquement nos populations. Donc, si on élargit un petit peu le champ de l'étude, j'allais dire que c'est même l'humanité aujourd'hui qui affronte dans sa totalité cette crise-là, justement, du pullulement des sous-hommes, en réalité, hein, faut parler clairement. Hein. Attention, hein, ce n'est pas circonscrit aux personnes issues de l'immigration, la baisse de qualité, la baisse d'intelligence. Non, du tout. En Occident, en tout cas, il y a une lame de fond qui est là depuis la révolution industrielle, en gros, qui fait que toutes les décennies, on perd 1 à 2 points de QI par cet effet-là. Oui. Parce que les femmes, dans les pays occidentaux, les femmes blanches en l'occurrence, celles qui ont les marqueurs d'intelligence les plus élevés, font le moins d'enfants. Mm. Donc fatalement, quand ce sont les moins intelligents qui font des gamins, ben les marqueurs d'intelligence se retrouvent beaucoup moins dans la population globale. Donc même les deux menaces pour la race, hein, sont ça, c'est-à-dire la non-fertilité des femmes intelligentes et l'immigration de masse. Voir le film Idiocratie, les 5 premières minutes, vous avez un bon résumé. Dans ce que tu dis, il y a un point important, c'est notamment comment on module une politique familiale, par exemple. Tu vois, moi, je pense qu'il faut, puisqu'on parle d'application pratique d'une politique eugénique, eh bien, il faudrait intégrer la qualité, j'allais dire, du matériel concerné par des aides familiales. C'est-à-dire, est-ce qu'on doit aider des gens qui sont objectivement des cas sociaux, même de race blanche, hein, qui sont objectivement des cas sociaux, qui souffrent de pathologies diverses, notamment psychiatriques, qui ont des QI altérés, est-ce que ces gens-là, on a envie qu'ils aient beaucoup d'enfants? Bon, ma réponse est très claire, c'est non. Alors, je voulais élargir le champ, parce que je disais que c'est une menace qui pèse sur toute l'humanité, parce que nous avons aujourd'hui une menace aujourd'hui qui est systémique, qui est extrêmement grave, c'est la natalité africaine. Si ça continue, au rythme où ça continue, en 2100, il y aura 4 milliards d'Africains. Bon, ces gens-là ne peuvent par eux-mêmes pas subvenir à leurs propres besoins, ou très peu, très mal. Donc ça va amener des grands bouleversements, des mouvements de population, etc. C'est une menace extrêmement grave. Si vous couplez ça au fait que l'Europe est en train de traverser un hiver démographique, c'est un alignement des planètes extrêmement inquiétant. Donc il faut quand même avoir un œil là-dessus. À un moment donné, si vous voulez, l'eugénisme, c'est une nécessité au niveau mondial. D'accord ? On ne peut pas laisser des gens qui ont 75 de QI pulluler par milliards, surtout si l'on y ajoute le facteur islamique, hein, qui aggrave encore ce problème racial. Donc nous avons, là je parle de l'humanité en général, nous avons un véritable problème. Les races intelligentes, ou raisonnablement intelligentes, ont un grave problème face à ce péril africain. Hein, donc il ne faut pas perdre de vue. Si vous voulez un merveilleux exemple de ce qu'est la France sans une politique eugéniste, vous allez à l'île de la Réunion. Au départ, les Blancs qui sont arrivés à l'île de la Réunion, on a eu toute une partie de la fine fleur de la noblesse, on a eu des gens qui étaient des taulards, mais des gens qui étaient quand même intelligents, des gens qui ont créé des fermes, qui ont créé de l'agriculture, qui ont développé l'île. On a fait rentrer les esclaves, ils ont commencé à niquer avec les esclaves et à faire des mômes avec les esclaves. Et regardez l'île de la Réunion à l'heure actuelle, ce sont des assistés sociaux congénitaux. Regardez les Réunionnais qui vivent en France, ce sont des assistés sociaux congénitaux. Et ce qu'on appelle les YAB, c'est-à-dire les petits blancs, ben, ce sont des gars qui ont complètement perdu le contenu de leur boîte à neurones. Ils en ont probablement 3 à l'intérieur, ça se limite à ça. Je serais vraiment curieux de connaître le QI d'un YAB à l'île de la Réunion. Ça doit être de l'ordre de moins 85. À peu près. Ouais. Par contre, je lance une question ouverte. Pour le coup, je ne prétends pas avoir de réponse. C'est vu l'afflux migratoire qu'on est en train de subir actuellement, est-ce qu'on a les moyens actuellement d'appliquer une politique eugéniste envers les faibles ? Je parle de notre propre groupe. Bah, de toute façon, c'est très théorique, parce que de toute façon, on n'est pas en situation 2, donc ça serait se projeter inutilement. Voilà. Mais de toute façon, on arrive à un moment où la situation raciale, elle est déjà catastrophique en soi, donc je veux dire, rentrer dans ces subtilités-là. Mais il ne faut pas perdre de vue, je veux dire, quand même, à terme, pour la race blanche, et là, il faut vraiment voir au niveau macro, on dira, macro-racial, faut pas perdre de vue la volonté d'excellence biologique. Et alors, pas à court terme, pas à moyen terme, mais à long terme, c'est absolument nécessaire. Et je pense qu'on aura des moyens technologiques qui nous permettront de faire de réelles percées dans le domaine. À mon avis, il faut quand même commencer, ou en tout cas envisager une alternative au progrès technique, parce que si ça n'arrive pas, s'il n'y a pas le capital cognitif suffisant pour faire les sauts technologiques, ben c'est mort, hein. Donc c'est bien, c'est une possibilité intéressante, mais il faut pas tout miser là-dessus. Alors messieurs, je vous propose de passer à la rubrique numéro 1. Rubrique numéro 1, chers amis, salaféminisme. Alors pourquoi salaféministe et contraction de salafisme et de féminisme? Oui, c'est un concept nouveau, mais c'est justifié. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est un article du Berry, le journal Le Berry, qui m'a édifié, je dois le dire. Et que je vous livre tout de suite. Alors, le titre, c'est le suivant. Un homme condamné pour avoir refusé de serrer la main de Catherine Ferrier, alors préfète du Cher, car c'était une femme. Le tribunal de police de Bourges a condamné un homme pour avoir refusé de serrer la main de Catherine Ferrier, alors préfète du Cher, sous prétexte que c'était une femme, un refus considéré par la justice comme un comportement sexiste, portant atteinte à la dignité, rien de moins. Un homme de confession musulmane a été condamné mardi devant le tribunal de police de Bourges à une amende de 750 euros et au versement de 1 500 euros de dommages et intérêts à l'ancienne préfète du Cher, Catherine Ferrier, qui a quitté ses fonctions en février 2020 pour devenir préfète du Tarn. Le 7 janvier dernier, dans la partie des locaux de la préfecture du Cher qui accueille du public, alors qu'il attendait la remise de documents administratifs, cet homme avait refusé de serrer la main de la préfète au motif que c'était une femme et que sa religion le lui interdisait. La représentante de l'État, en uniforme et gantée, était venue saluer, à l'occasion de la nouvelle année, le personnel et le public présents. La préfète du Cher avait alors déposé une plainte, instruite par le parquet de Bourges, pour propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante imposée à une personne. Une contravention punie d'une amende de quatrième classe. Lors de l'audience devant le tribunal de police de Bourges, mardi, le ministère public avait requis et obtenu le maximum de l'amende, c'est-à-dire 750 euros. L'ancienne préfète recevra également 1500 euros de dommages et intérêts. Elle en demandait 2000. Dans un communiqué, Jean-Christophe Bouvier, préfet du Cher, explique avoir pris acte de la décision de la justice de condamner un citoyen français qui, à deux reprises, s'est réfugié derrière une interprétation idéologique de l'islam pour refuser de serrer la main de sa prédécesseure. Catherine Ferrier, en 2018 et 2020. Le communiqué évoque deux faits similaires, mais la condamnation devant le tribunal de police ne sanctionne que celui du 7 janvier 2020 et non les faits antérieurs. En mars 2018, le même homme représentant de l'association DITIP Vierzon, ex-association des travailleurs turcs de la seconde ville du Cher, donc en fait on apprend que c'est un franco-turc alors, avait également refusé de serrer la main de Catherine Ferrier car, avait-il déclaré, on n'a pas le droit de serrer la main aux femmes. C'était lors d'une cérémonie d'hommage au colonel Arnaud Beltrame, effectivement, c'était assez intéressant, tué le 23 mars 2018 par un terroriste islamiste, après s'être offert en échange d'une jeune femme prise en otage dans un supermarché de la ville de Trèbes, dans l'Aude. Oui, décision absurde d'ailleurs. Cette décision rappelle le caractère fondamental du respect des valeurs de la laïcité et d'égalité homme-femme dans la République, ajoute le préfet. En mars 2018, le vice-président de l'association avait adressé une lettre d'excuse à la préfète. « Nous regrettons profondément ce qui s'est passé, ce n'est pas normal », avait-il indiqué. Alors, qui veut réagir à ça? Quelque chose à dire? Elle a été condamnée à combien? 750 euros d'amende. Voilà. Une amende, quoi. Bon. Le gars, il rigole. Hein. Alors, ouais, ils rigolent, mais je pense que les musulmans rigolent moins, parce que le nombre de musulmans qui ne serrent pas la main aux femmes, il est assez important, hein, en fait. Hein. Donc. Alors, moi, je ferai observer un truc. Déjà, je trouve que serrer la main à une femme est très étonnant en soi. C'est curieux de serrer la main à une femme. Je trouve que. Ben, en général, c'est mou. Non, mais ce que je veux dire, c'est masculin, quoi. Enfin, je veux dire, serrer la main à quelqu'un, c'est masculin. Moi, je veux dire, je ne serre pas la main à une femme. Je ne serre jamais la main à une femme. Je dis bonjour, voilà, mais je ne serre pas la paluche comme si c'était, je sais pas, un collègue de bureau ou voilà. Enfin, c'est, pour moi, le fait de serrer la main est un geste d'homme, en soi. Mais Gandalf, historiquement, c'est un geste d'homme, puisqu'en fait, ça te permet de montrer que tu n'es pas armé. Alors, serrer la main à une femme, c'est clair que tu ne vas pas approcher une nana avec une épée ou un glaive, à moins, évidemment, que tu ne décides de faire l'économie d'un divorce. Oui, très juste. C'est très juste sur l'origine du serrage de main. Quelqu'un voulait... J'ai cru voir que quelqu'un voulait prendre la parole. Non, mais enfin, sur le... Moi, c'est surtout... par rapport à la jurisprudence que ça peut établir eu égard aux populations musulmanes énervées. Je pense que ces gens jouent avec le feu, quoi. Il y a beaucoup d'islamistes en France quand même. Hein. Tu parles de... Oui, enfin, il y a ça, mais alors, voilà la formulation exacte du délit. Propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante, hostile ou offensante imposée à une personne. Oui, Non, mais il y a beaucoup de choses qui rentrent dans cette catégorie. Hein. Propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante. Créer une situation intimidante hostile ou offensante imposée à une personne. C'est même pas écrit en français. C'est de la subjectivité pure, je veux dire. On est dans la subjectivité pure et avec un truc comme ça, je fais condamner des millions de mecs hein, en France aujourd'hui. Bah, surtout que les juges sont des juges féminins, donc c'est réglé. Hein. On le souligne trop peu, 80% des magistrats en France sont des magistrats teux. Je crois que ça va être un petit peu le fil conducteur, cette première partie. Oui, tout à fait. Alors, moi, je veux... Il faut aussi mentionner quand même le côté « je suis ancienne sous-préfète et je réclame 2000 balles ». Ça, par contre, ça oui, alors, peut... je pense qu'il faut, ouais. Il faut procéder par ordre. Alors déjà, il y a l'identité de la protagoniste, de la victime alléguée. Déjà, c'est pas n'importe qui, hein. Donc, parce que ça, nos auditeurs doivent quand même le comprendre, je pense qu'ils le savent, mais il faut vraiment que vous le compreniez. Quand vous allez à la mairie et que vous voyez sur le fronton « liberté, égalité, fraternité », surtout le mot central « égalité », j'espère que vous n'y croyez pas. J'espère que vous n'y croyez pas. Ce n'est pas comme ça que fonctionne le système français. Ce n'est pas comme ça que fonctionne l'État français. Donc, il y a des citoyens de plusieurs classes, d'accord ? Quand vous êtes une préfète, vous êtes tout en haut de l'appareil politico-administratif. Aussi, la justice ne traite pas de la même manière et avec les mêmes égards un citoyen lambda, comme peuvent l'être nos auditeurs, et une préfète ou un préfet. Ça, c'est la première chose. Donc, quand elle porte plainte, j'aime autant vous dire que sa plainte est tout en haut de la pile des plaintes, pas tout en bas ou au milieu, ou non. Elle est tout en haut, elle est prioritaire. Ça, c'est d'une. L'attitude des magistrats et des magistrates est du même acabit. Donc, nous avons affaire à une réaction du personnel politico-administratif français, des institutions, qui se défendent, en fait. Elles se défendent, je veux dire, en dehors de toute connotation religieuse ou autre. Hein, c'est déjà un réflexe de défense du système. Voilà, ça c'est le premier point. Donc il y a un caractère, on va dire, de classe, comme on dit. Hein. Bon, donc c'est une grande bourgeoise. Voilà, c'est une grande bourgeoise, elle a des pouvoirs exécutifs, le système la protège. Ça c'est une, et c'est très important à comprendre. Deuxièmement, je ne sais pas si beaucoup de gens vont dans les préfectures, on a toujours plus ou moins quelque chose à faire, un permis de conduire ou autre. Vous avez dû, à un moment ou à un autre, vous retrouver dans une file d'attente dans une préfecture. Bon, normalement, quand vous rentrez dans une préfecture française, si elle est normale, il y a très peu de blancs qui font la queue. Très, très, très peu. Vous avez énormément de basanés. Vous avez des Sénégalais, vous avez des Algériens, des Turcs, des Pakistanais. Enfin, vous avez toute une faune comme ça qui représente l'essentiel des gens qui font la queue. Hein, pourquoi ? Bah, demande de renouvellement de titre de séjour et autres. Enfin, je vous passe les détails. Une préfète ou un préfet, qu'est-ce qu'elle fait le plus clair de son temps à l'année ? Elle délivre des titres de séjour à des métèques. C'est son job. Cette préfète-là, cette Catherine Ferrier-là, est quelqu'un qui vit de la délivrance de titres de séjour à ceux qui nous envahissent, c'est-à-dire les djihadistes de demain. Donc, je préfère couper court tout de suite. À toute forme d'argumentation en disant « Ah oui, quand même, enfin un préfet qui défend contre l'invasion. » Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Elle organise l'invasion, elle participe du système qui organise l'invasion. Donc voilà, donc, alors bon, ne me dites pas « Ah oui, mais elle n'a pas le choix. » Si, on a toujours le choix de son métier, donc si elle voulait faire un autre métier parce que c'était insupportable moralement pour elle de contribuer à l'invasion, elle ne ferait pas ce boulot. Bon, donc elle le fait, elle y consent. En revanche, elle n'a pas aimé qu'un mec lui dise non. J'ai pas envie de vous serrer la main. Alors, le prétexte, c'est que c'est ma religion. Donc, les musulmans, ils disent c'est ma religion. Bon. Donc là, on arrive, si vous voulez, dans la position schizophrénique des élites françaises, qui, d'ailleurs, schizophrénie qui s'intensifie, on aura l'occasion d'en parler un petit peu après, où, en fait, ces gens font venir le tiers-monde, font venir des Africains, font venir des orientaux, les régularisent, leur donnent des facilités. Si vous intéressez à toute la thématique des migrants, de l'accueil des migrants, des associations qui viennent en aide aux migrants, vous apprendrez qu'elles sont intégralement financées et copilotées par les préfectures. Toutes les associations qui supervisent l'hébergement d'urgence des migrants, leur formation professionnelle ou alléguée, les formations en langue française, etc. Tout ça est supervisé par les préfectures. Donc cette préfète, vraiment, s'occupe de ça pratiquement, pas à plein temps, mais elle a un rôle très important dans ce domaine-là. Faut en avoir conscience. Donc, ils font venir ces gens-là. Mais très bizarrement, ils s'étonnent que les musulmans qu'ils font venir en France soient musulmans. C'est quelque chose qui les dépasse. Et là, ils sont dans une attitude, il y a un bug. Donc, ils les font venir, mais en même temps, bon. Et alors, j'invite aussi les gens à regarder ça. Moi, je vois souvent ça dans la presse régionale. Alors, à chaque fois, ça m'enthousiasme. Ce sont les cérémonies de naturalisation. Ou alors, autre cérémonie aussi, c'est la remise de médailles, la médaille de la famille. Vous savez, les femmes qui ont beaucoup d'enfants. C'est soit des négresses, soit des femmes, comment dirais-je, voilées. Et généralement, c'est pratiquement que des femmes voilées. Vous savez, des Algériennes, des Marocaines, ou des Turcs d'ailleurs. Bon. Et vous voyez la préfète au milieu, en uniforme, toute sourire. Elle est rayonnante, elle est contente. Regardez, la France, on fait beaucoup d'enfants, vous voyez. Moi, je suis là, j'ai une interprétation un peu différente. Donc, c'est ce genre de personnes-là, si vous voulez, qui sont pris dans leur propre contradiction. Donc, je sais que le premier réflexe, c'est de dire « Ah, ben voilà, on a recadré un bougnoule. » C'est plus complexe que ça, quand même. Hein. Bon, l'objectif n'était pas de recadrer un bougnoule. L'objectif, c'était de protéger une bourgeoise du système qui copilote l'invasion de la France. C'est ça le vrai truc. Avec un arrière-fond quand même féministe, c'est-à-dire que les féministes qui maintenant contrôlent... bon, parce que là c'est justement... c'était un peu aussi l'objet de l'article. On voit, au plan de la magistrature, des tribunaux, qu'on bascule très nettement dans la vaginocratie littérale. Hein. Donc il y a les littéralistes musulmans, il y a aussi les littéralistes féministes. Hein. Ça y est. C'est-à-dire qu'un homme... Moi, je pense qu'il faut s'intéresser au message de cette décision. Quoi. C'est-à-dire, un homme ne peut plus décider de ses gestes vis-à-vis d'une femme. D'accord ? Vous ne pouvez pas dire « Non, je vous serre pas la main, je ne veux pas un contact avec vous. » Non, on vous l'interdit. Moi, j'ai un problème avec ça. Vous voyez ? J'ai pas envie que des magistrats me traînent devant leur tribunal pour me punir parce qu'elles estiment que par un choix qui est non violent, qui est pacifique, un choix d'attitude corporelle, je ne me soumets pas à leur comment dirais-je à leur domination. Moi, j'ai un vrai problème avec ça, d'accord. Je refuse totalement ça, et j'ai aucune sympathie pour les musulmans par ailleurs qui nous envahissent, parce que en premier lieu, et soyons cohérents, si vous voulez pas de bougnoules qui snobent les gonzesses, vous les faites pas venir. Donc le type, le premier truc à faire, c'est pas de lui mettre une amende de 750 €, s'ils étaient cohérents avec eux-mêmes, c'est de le foutre dans le premier avion, destination Ankara. Bon, vous avez remarqué que c'est pas au programme, hein. Il n'y a pas marqué « Monsieur, vos valeurs ne sont pas compatibles avec les valeurs traditionnelles françaises » ou je ne sais. Ah non, il reste sur place, hein. Par contre, on lui prend 750 €, quoi, voilà. Bon, vous voyez, c'est toutes ces incohérences-là qui, moi, ne me satisfont pas, ni du point de vue du rapport homme-femme qu'on essaye de nous imposer à toute force par l'usage des tribunaux, hein, ce que ces espèces de féministes totalement givrées veulent nous imposer, l'aspect de classe aussi, les contradictions sur l'immigration, tout ça ne va pas, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et alors, pour ceux qui trouveraient, que dans le fait de forcer des musulmans à toucher des femmes blanches, par la force de la loi, là aussi j'ai un problème intellectuel, c'est-à-dire que moi, plus les musulmans évitent les contacts avec les blanches, plus je suis content. De la même façon, plus les musulmanes se voilent et créent une barrière visible ou invisible avec les autochtones, plus ça me satisfait. J'ai pas envie de libérer les beurettes, moi, vous voyez. C'est pas mon programme. C'est le programme du Rassemblement National, mais c'est pas mon programme. Moi, j'ai pas envie qu'on facilite la promiscuité avec ces races de merde. Donc voilà, tout ça est très incohérent et je voulais qu'on en parle. Est-ce que quelqu'un, dans tout ce que j'ai dit peut-être, est-ce que quelqu'un voulait rebondir sur un point en particulier ou... C'est pas le point, mais disons que ça c'est dans l'air du temps, puisqu'il y a le procès Charlie en ce moment, et on voit tous ces antiracistes, tous ces gens de gauche, etc., ces républicains, etc., de vieilles... de la première heure, on va dire, qui sont en plein bug, hein, Entre d'un côté, les étrangers, c'est gentil, hein, pour faire chier ces connards de fachos. Et de l'autre, eh bien, le fait que ces étrangers se trouvent être des musulmans. Oui, Ça oui. leur pose un petit peu un petit problème et Ah, ils dissonance n'arrivent pas. cognitive, hein. Dissonance cognitive, hein. Ouais, c'est très, très intéressant à observer, là. Ils savent pas, hein, ils savent pas quoi faire, hein. Même dans les émissions de télé et tout, ils sont le cul entre deux chaises, on sent qu'ils sont mal à l'aise, hein. C'est merveilleux. Bah, on va y venir, hein, dans la discussion, au fur et à mesure des sujets, mais oui, on arrive à un moment où, en fait, ils ont l'impression d'être pris entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire le marteau de l'immigration afro-musulmane et l'enclume autochtone, c'est-à-dire l'enclume des petits blancs qui votent Rassemblement national. Non pas que le Rassemblement national soit un parti raciste, mais vous avez compris qu'au plan politique, il exprime un ras-le-bol de l'immigration de plus en plus affirmé au sein, on va dire, au sein des classes moyennes blanches et des classes aussi populaires blanches. Et là, ils ont un problème. C'est-à-dire que tous ces gens-là, tous ces gens qui votent Macron, tous ces gens installés, donc ce qu'ils appellent la République, hein, et qui excluent, hein, on peut dire qui excluent tous les autres, a un problème. Alors, ils ne savent pas comment faire, si vous voulez. J'aurai l'occasion d'en reparler dans l'émission, donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Mais tu as raison de souligner ce point qui transparaît, parce qu'au moment, il devient visible, quoi. Je veux dire, dans les émissions, dans les réactions des gens, ou même sur Twitter, sur les réseaux sociaux, au bout d'un moment, cette schizophrénie devient vraiment flagrante. Par exemple, je vois Nolo. Vous savez, suite à la nouvelle attaque contre Charlie Hebdo, puisque tu parles un petit peu de Charlie Hebdo, je vois que Nolo, donc Éric Nolo, vous savez, le partenaire, le sparring partner d'Éric Zemmour à la télévision, tweet après que la. Parce qu'au départ, on a cru que l'attaque qui a été commise par un Pakistanais avait été commise par un tandem, en fait, avait été commise par deux hommes. Et il s'avère que non, il y a le Pakistanais qui a commis l'agression, donc. Dans les anciens locaux de Charlie Hebdo, le type n'était pas au courant que c'était pas là qui se trouvait, en fait. Et comme vous l'avez su. Et donc, au départ, c'était un peu la confusion. Ils se sont dit qu'ils étaient deux parce qu'ils ont vu deux mecs. Mais on apprendra par la suite qu'il y avait un deuxième homme qui a couru après le mec pour essayer de le neutraliser. Et on apprend l'identité du type qui s'appelle Youssef, je ne sais quoi. Alors du coup, Youssef devient un héros. La bourgeoisie respire, hein, la République respire. Ouf! On va pouvoir faire à la fois taire les comment dirais-je les musulmans énervés, les islamistes comme les islamistes quoi et les blancs de la fachosphère. Voilà, donc on va calmer tout le monde. On reste les patrons de la narration. Et Éric Nolot dit, ah voilà pour ceux qui veulent, je sais plus comment il tourne ça, mais il dit voilà pour ceux qui veulent présenter les choses de manière simpliste. Voilà, tout est toujours plus nuancé. C'est-à-dire que voilà, on a nos bons bougnoules, on a nos bons bougnoules qui adhèrent aux valeurs de la République ou qui ont vocation à rejoindre la République pour devenir de parfaits Français, n'est-ce pas? Et puis on a les ennemis de la République, c'est-à-dire les islamistes et, sous-entendu, comprenez-le bien, les Français de souche un peu trop racistes. Voilà. Donc, ça fait le lien avec ce que tu dis, quoi, l'attitude schizophrénique. Ils ont clairement un problème. C'est-à-dire, quelle est la priorité? Est-ce que c'est les Français de souche énervés? Est-ce que c'est ces musulmans ou même ces immigrés de plus en plus nombreux, de plus en plus remuants, qui s'affirment de plus en plus, comme les Assa Traoré, et autres, voilà, effectivement, c'est très intéressant. Cela m'amène à une question. Nous avons un type qui, parce qu'il est musulman, refuse de serrer la main d'une préfète. Il se prend 750 euros d'amende et 1 500 euros de dommages et intérêts, qu'il payera peut-être. Maintenant, moi, blanc, je refuse de serrer la main d'un préfet ou d'une préfète, peu importe, au prétexte que ces gens sont les laquais du système. Et que dans certains cas, parce qu'il existe des préfets au niveau des régions, mais il existe aussi des super préfets qui sont, comment dire, désignés préfets par faveur politique. Si je refuse de serrer la main de ces gens-là, justement parce que je considère qu'ils sont les laquais du pouvoir, en tant que blanc, je me prends combien? 10 000 euros d'amende, 50 tôles, un peloton d'exécution au coin de la rue. Bah, c'est tout le problème, je dis, c'est tout le problème. Parce que là, on passe. La jurisprudence, a, en fait, qu'est-ce que cherchent à faire ces magistrates, ces féministes, et même tous les tenants de cette nouvelle idéologie-là. Ils cherchent à c'est créer. C'est sauver l'image de marque tant qu'ils peuvent encore le faire de l'institution. Le principe, c'est sauver l'institution. Montrer que l'institution, il faut absolument la respecter. Ça va durer combien de temps, ces singeries? Oui, mais c'est pas ce que je voulais dire. Ce que je veux dire, c'est qu'ils essayent de créer une nouvelle réalité juridique par le biais de la jurisprudence. Donc, j'ai donné la définition du délit qui est constitué. Je vais insister là-dessus. C'est-à-dire qu'on crée un état de fait légal par l'arme de la jurisprudence. Donc, on met les gens devant le fait accompli. Donc, je redis, hein, ce qui a permis de condamner donc ce Turc à papier français. Donc, il a été condamné pour des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste. Alors déjà, le sexisme, si vous voulez, c'est pas un terme neutre, c'est un terme politiquement connoté. C'est un point de vue féministe. Le sexisme est une notion féministe par essence. Donc on fait rentrer dans le droit des notions qui sont des notions politiquement connotées, subjectives. Il faut comprendre ça. Portant atteinte à la dignité ou créant une situation intimidante. Alors, une situation intimidante, c'est du point de vue de qui? Comment vous le déterminez, ça, une situation intimidante? Hostile ou offensante, imposée à une personne. Ça ne veut rien dire. Vous comprenez? Avec un charabia comme ça, vous faites condamner n'importe qui sur n'importe quoi. Et j'y insiste. On peut vendre ça aux masses, parce que comme il y a une espèce... Parce que les élites dirigeantes... Qui identifient très bien à la fois, parce qu'ils font venir beaucoup d'immigrés, ils identifient très bien que dans ces masses immigrées, notamment musulmanes, il y a des tendances culturelles qui s'affirment. Donc ils les connaissent, et notamment dans les rapports hommes-femmes, ça, ils les connaissent, ils en parlent bien. Mais ils voient aussi, du côté des Français de souche, qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont très énervés face à l'immigration, qui a un véritable ras-le-bol, et pour eux c'est un problème, puisqu'ils veulent de l'immigration, ils les font venir. Ils en font venir à peu près, c'est Nicolas Bay qui déclarait ça cette semaine, 400 000 par an. Il y a 400 000 nouveaux migrants par an en France. Ils savent d'où ils viennent, surtout qu'elle est préfète, donc elle connaît leur nationalité, elle connaît leur pays d'origine. Donc ils sont face à cette situation. Donc ils se disent, bon, il y a un ras-le-bol de l'immigration, donc on peut vendre toute une série de choses au nom de la lutte contre l'islamisme, si vous voulez. Vous dites, ah ouais, génial, ça crée une jurisprudence, mais il faut toujours se poser la question, est-ce que ça va véritablement viser en toutes circonstances des islamistes, ou est-ce que ça peut s'appliquer à tout le monde? Bah, en fait, c'est tellement indiscriminé comme formulation que ça va viser tout le monde. Donc, quand vous lisez cette phrase, un mec dans la rue qui croise une nana, je ne sais pas pour X raison, ils ont des mots, il dit ah, « tu me fais chier, salope », bah, le type, vous pouvez le condamner pour les mêmes faits. Exactement pour les mêmes faits. Et on pourrait trouver comme ça des dizaines et des dizaines d'exemples. C'est-à-dire que même pour un commentaire, aujourd'hui, au terme de ce truc-là, hein, sur un commentaire YouTube d'une chaîne, d'une pouf, où vous dites, franchement, je ne sais pas, enfin, vous imaginez une formule un peu rude que vous lui adressez, mais qui n'est pas une formule menaçante, mais voilà, vous la rabrouez. Bah, vous pouvez vous faire condamner pour ça. Donc il faut vraiment prendre la mesure de cette politique de fait au plan légal. Et moi, ça ne me convient pas du tout. Donc il y a des intentions cachées derrière ça. Donc il faut toujours se méfier, si vous voulez, de la première impression. Parce que la première impression peut être trompeuse. On peut se dire, je valide parce que... Et c'est ce qu'ils font. Tantôt en direction des immigrés, tantôt en direction des petits blancs. Voilà, ils flattent, ils manipulent. Et là, moi, je vois vraiment la marque de la manipulation, très clairement, hein, très très clairement. Donc ça, c'était le premier point. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose, ou est-ce que je passe au sujet suivant, qui est un sujet connexe? Bon, alors on passe au sujet suivant. Alors toujours dans le même domaine, dans le même registre. Ça a fait couler beaucoup d'encre cette semaine, cette condamnation. Énorme, surtout sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de vidéos qui ont circulé, etc. Très intéressant. Donc il fallait en parler. Alors là, je cite un article du Monde, le journal Le Monde. Hein. Donc là, c'est la Pravda du régime. c'est... on va connaître le point de vue de la République. Donc la condamnation du youtubeur Marvel Fitness, une peine lourde pour une affaire encore rare dans la justice française. Donc Marvel Fitness, pour ceux qui ne le sauraient pas, et je le dis d'emblée, c'est quelqu'un qui est d'origine africaine. Hein. Voilà. Et on va parler de la personnalité du personnage, enfin, bon, on va revenir là-dessus. Donc son avocat a dénoncé une décision inique, et l'annonce a suscité l'indignation des fans du youtubeur Marvel Fitness, venu le soutenir devant le tribunal de Versailles. L'avocate des parties civiles, Laure Alice Bouvier, a pour sa part applaudi une sanction exemplaire à l'antenne de France Inter. Lundi 21 septembre, Abanou S, connu sur YouTube sous le nom de Marvel Fitness, a été condamné à 2 ans de réclusion, dont un an ferme, avec mandat de dépôt assorti d'un sursis probatoire de 3 ans. Donc un an de tôle, hein. Jugé pour harcèlement moral et violence sur avocat, il a été reconnu coupable de tous les faits. Violence sur avocat, notez la perfidie, vous allez comprendre pourquoi. Notez la perfidie. Il a été reconnu coupable de tous les faits qui lui étaient reprochés par la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Versailles. Son sursis a été assorti d'une interdiction de création et d'animation sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très important. C'est peut-être l'élément le plus important, plus encore que la prison. Donc, il est interdit d'activité sur Internet. La peine prononcée est lourde pour une affaire de harcèlement en ligne, thème encore rare dans les tribunaux français. La cour est allée plus loin que les réquisitions du parquet qui demandaient 12 mois de réclusion, dont 8 fermes. Pour Maître Goudarzian, avocat du prévenu, la justice a voulu faire un exemple en condamnant fermement son client, malgré un dossier, selon lui, entaché d'erreurs de procédure. Il a annoncé son intention de faire appel. Alors que le prévenu est reparti menotté à l'issue de l'audience, il est reparti en prison, parce qu'il n'est pas suspensif, une quinzaine de ses soutiens rassemblés devant le tribunal en criant « Free Marvel ». Un slogan par la suite repris sur les réseaux sociaux et qui remonte en troisième sujet, le plus discuté sur Twitter mardi 22 septembre au matin, donc il était en tendance sur Twitter. 5 des 9 plaignants, 6 femmes et 3 mecs, donc 3 hommes, étaient présents lundi pour témoigner à l'audience contre Abanou S, Yvelinois, âgé de 31 ans. Actif sur Marvel Fitness Channel, une chaîne YouTube pour laquelle il comptait plus de 146 000 abonnés, et sur de nombreuses autres plateformes en ligne, il évoluait dans la sphère du fitness. Interrogé par le président à de l'audience, les parties civiles ont fait le récit de plusieurs mois, parfois jusqu'à plus d'un an et demi de harcèlement moral subi à coups de commentaires ou de publications en ligne. À chaque fois, après un premier accrochage avec Abanou S, la plupart des plaignants ont décrit l'enfer du harcèlement de masse. On ne peut pas se rendre compte de ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vraiment vécu, a témoigné Tristan Defeuillet-Vang, un influenceur s'étant porté partie civile. Lui a notamment été victime d'une vidéo dans laquelle il était comparé à l'actrice pornographique Katsuni, parce que je suis un peu asiatique, dit-il. Sa communauté m'insultait tous les jours, reprenant les punchlines de Marvel Fitness, a témoigné Aline Margan, influenceuse belge, qui accuse le prévenu de la harceler depuis 2018. Elle a raconté avoir envoyé plusieurs messages vocaux à l'intéressé en pleurs pour lui demander d'arrêter. Ces messages ont été ensuite rediffusés par Marvel Fitness sur son compte Instagram, accompagné de textes moqueurs. Devant le tribunal, elle a aussi concédé l'un des points régulièrement soulevés par le youtubeur dans ses vidéos, à savoir qu'elle avait fabriqué et diffusé une fausse photo intime que lui aurait envoyé le prévenu pour le décrédibiliser. J'ai paniqué, j'étais coincé dans une situation dans laquelle j'étais bloqué depuis des mois, a-t-elle justifié lors de l'audience. Questionné par le président de la 8e chambre correctionnelle, le sujet n'ayant pas été abordé par le prévenu, ni par sa défense. Elle n'a pas été punie pour ses faits, précise. Pour toutes les parties civiles qui se sont succédées, tout comme pour leur défense, il n'y avait guère de différence entre les attaques proférées par le prévenu et celles de la communauté de Marvel, comme l'a appelé une plaignante. Ce procès n'est pas celui des réseaux sociaux, mais celui d'un homme qui a choisi cette voie pour lancer des raids, a décrit Laure Alice Bouvier, avocate de 8 plaignants et elle-même partie civile dans l'affaire. Quand il appelle ses abonnés à s'en prendre à ses victimes, c'est immédiatement suivi des faits, a-t-elle ajouté, citant des messages diffusés par Marvel Fitness sur les réseaux sociaux, tels que Go Red, Go Troll sur Facebook. L'avocate en a aussi appelé à éduquer ceux qui suivent leur gourou. Hier encore, j'ai reçu, avec Marvel, on va gagner et on va aller déterrer ta mère la pute, a cité Tristan Defeuillet-Vang lors de l'audience, tout en rappelant, Quand on est influenceur, on partage un message, on est des médias, on touche autant de personnes que des chaînes de télévision. Lors de son réquisitoire, le procureur a accusé également Abanou S d'inciter, instiguer, inviter les nombreux messages de haine envoyés par des internautes aux victimes. S'en prenant au comportement en ligne du prévenu, il a dénoncé un objectif qui n'est pas seulement de nuire, mais de détruire purement et simplement. Il a également mené une charge contre la violence des réseaux sociaux, l'antithèse d'un tribunal pointant du doigt les influenceurs, ces nouveaux prêtres qui créent leurs propres églises. Oui, ouais. En l'occurrence, les plaignants sont aussi des influenceurs, hein, vous l'avez bien compris. Pour autant, le procès s'est surtout joué sur la forme. L'avocat du prévenu, Maître Goudarzian, n'a eu de cesse de dénoncer un dossier bâclé, relevant une multitude de vices de procédure, justifiant selon lui une nullité de toute l'affaire. Ici, s'attaquant aux certificats médicaux fournis par les parties civiles et jugés de complaisance. Là, dénonçant les conditions des gardes à vue d'Abanou S, contraires selon lui au code de procédure pénale. Le parquet a vivement réagi à cette exposition, dénonçant un gloubi-boulga, mais Maître Goudarzian n'en a pas démordu, attaquant la moindre erreur de procédure. Avec un dernier argument surprise de la défense, la cour n'a pas la preuve qu'Abanou S est bien la personne administrant la chaîne YouTube et les réseaux sociaux incriminés par les plaintes, puisque aucune requête d'identification formelle n'a été formulée. La double qualité d'avocate et de partie civile de Laure Alice Bouvier, c'est-à-dire que l'avocate en question était aussi une des nanas qui est sur YouTube en train de se présenter comme une nana du fitness, je précise, a également été critiquée, la défense jugeant qu'il y avait là un conflit d'intérêts. Mais le tribunal a balayé ses remarques, tout comme il a, en délibérant, rejeté toutes les demandes de nullité formulées par Maître Goudarzian. Sur le fond du dossier, Maître Goudarzian a défendu la liberté d'expression de son client. « Quand je regarde les vidéos de Marvel, je vois de la satire, je vois les guignols de l'info », argue-t-il. Ajoutant que les plaignants sont des personnalités publiques qui s'affichent sur les réseaux sociaux. Abanou S, quand il s'attaque au parti civil, ne s'adonnerait pas à du harcèlement, mais à de la satire. Là encore, le tribunal n'a pas été convaincu par la plaidoirie. Alors, il y a énormément de choses à dire sur ces faits. C'est vrai, il y a vraiment énormément de choses à dire. Alors, je vais commencer et je vous donne la parole. Je ne vais pas dire tout ce que j'ai à dire d'une traite, heureusement. Mais je vais commencer sur un point qui me semble très révélateur. C'est la forme du procès. Ce que dit l'avocat de Marvel Fitness, donc de ce noir. Bon, je commence en disant que celui qui s'arrête au profil racial de l'accusé prend le détail pour la totalité du problème. C'est-à-dire qu'en fait, cette affaire, ce type d'affaire, aurait fini par surgir devant les tribunaux avec la même conclusion. Donc, c'est par lui que c'est arrivé, ça serait arrivé par un autre. Parce que, et on l'a dit dans l'affaire de la préfète, il y a une dynamique générale dans les tribunaux qui sont très majoritairement dominés par des femmes qui sont des militantes, des magistrates qui sont des militantes et des militantes féministes qui systématiquement donnent raison aux femmes contre les hommes. Là, déjà, il y a une partialité qu'il est très important de comprendre. Donc, son profil racial et même ce qu'il a pu faire ici ou là. D'accord, c'est entendu. Mais il faut voir plus loin. Et pour commencer, je m'arrête sur cette histoire de procédure, ce que pointe l'avocat. C'est récurrent dans toutes les affaires à caractère politique, en dépit de la loi, les procédures sont bâclées, ne sont pas respectées, c'est-à-dire que les droits des citoyens ne sont pas respectés par les magistrats, que ce soit au niveau de l'instruction, du juge de l'instruction qui bâcle tout ça pour aller vite et pour obtenir une condamnation, et que ce soit par le président. Et nous, on connaît ça, enfin les militants connaissent ça, connaissent ce non-respect des procédures. Et dans l'affaire, là, j'identifie tout de suite l'intervention à caractère politique, même si Marvel Fitness n'est pas un militant politique. Il est clair que du point de vue des magistrats, il y a une dimension politique à tout ça, derrière l'aspect un peu trivial du dossier. Et le fait que la procédure n'est pas respectée est particulièrement révélatrice. Et comment dirais-je, par exemple, il y a la question de la prescription, le fait qu'on n'identifie pas la personne qui est derrière effectivement la chaîne. Alors lui, il doit répondre de ses propos s'il parle face caméra, mais enfin, il y a une procédure à respecter. Il y a toute une série de choses comme ça qui sont bâclées. Et ça, c'est fondamental. Et aujourd'hui, c'est passé par perte des profits au nom de l'efficacité de la répression politique. Ça, c'est une chose. Et j'insiste, même si ça n'a pas l'air politique, en apparence, parce que ce noir n'est pas un militant politique. La dimension politique ne peut pas être occultée. Du point de vue des magistrats, elle n'est certainement pas perdue de vue. Donc ça, il faut savoir. Les tribunaux escamotent les dossiers. Alors, ceux qui écoutent ça, ils peuvent se dire « Ouais, mais on s'en fout, c'est un nègre. » Quand vous êtes un militant nationaliste, que vous tombez devant un tribunal extrêmement hostile, comme ça a été le cas dans cette affaire-là, et que vous voyez que les procédures ne sont pas respectées, que vos droits sont systématiquement violés, vous ne pouvez que ressentir, si vous voulez, le même type de sentiment que n'importe quelle autre personne qui se retrouva dans la même situation. Et quand vous parcourez ce genre d'affaires ensuite dans la presse, vous vous identifiez. Et sachez-le, si vous êtes nationaliste, que vous tombez devant des magistrats, et vous voyez bien qu'aujourd'hui, avec Facebook, les réseaux sociaux, on peut très vite être convoqué devant des magistrats pour répondre de propos, je vous assure que quand votre dossier est expédié de la même façon pour des raisons politiques, vous le prenez très très mal. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais vraiment insister. Je voulais vraiment insister là-dessus. Ça devient standard. C'est une procédure standard de procéder à des procès expéditifs. Est-ce que quelqu'un veut soit réagir sur ce que je viens de dire, soit rebondir sur un des points saillants de l'affaire que j'ai dite là? Mais vas-y, Eric. Ouais, merci Diabolix. Moi, le point que je voudrais souligner par rapport à ce que tu as dit, plutôt ça, par rapport à l'affaire en elle-même, c'est que le type, bon, c'est une histoire d'influenceurs YouTube de fitness qui se font des guéguerres entre eux en envoyant des. En allant se tirer dans les pattes oui. L'un et l'autre. Bon, bref, c'est une histoire. Ce qui m'a marqué, c'est que le type, on lui impute par exemple, les menaces de mort que la nana a pu recevoir oui. de la part d'anonymes, alors que lui n'a pas appelé les gens à la menacer de mort. Alors, il a peut-être pu appeler, dire, aller commenter ses vidéos. Etc. Ouais, go red, quoi. Go red, go troll, quoi. Oui, voilà. Mais c'est, alors, ça, apparemment, c'est la Shoah, ça, presque, hein, maintenant. C'est horrible. Et donc, les gens qui mettent des commentaires, des menaces de mort caractérisées, ben eux, pour l'instant, ils sont pas. Le parquet ne s'est pas saisi pour les attaquer. Par contre, celui qui est la tête de pont dans tout ça, on lui fait porter le chapeau des menaces de mort, par exemple. Donc, c'est. Que tous les gens qui font du contenu. Nationaliste sur internet garde ça en tête, puisque si imaginons vous avez quelqu'un qui va menacer de mort ou qui va faire une action un peu con non mais même restons dans le domaine de l'internet, c'est-à-dire aller faire des commentaires ou voilà oui aller faire des commentaires racistes etc et qui s'avère que ces personnes là sont affiliées à votre groupe de près ou de loin, eh bien, pénalement, il y a possibilité que vous soyez inquiété pour ça. Donc, c'est responsabilité par association mentale, ce qui est quand même incroyable. Responsabilité pour association sans que le responsable principal ne soit pour l'instant inquiété. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est vraiment une façon de faire de la justice par rapport au bruit que tu fais. Hein. Pas par rapport à l'acte en lui-même. Non, mais c'est vraiment très révélateur. On est dans une logique en fait de vendetta. Ces féministes sont dans une logique de vendetta. Et vous voyez que le droit est en train d'être tordu, d'être dénaturé pour répondre aux injonctions de ces féministes. Et encore une fois, je demande pas, moi je voue pas un culte à cet individu que je ne connais pas, je connais simplement comme ça pour avoir vu en photo. Je ne dis pas d'ailleurs même que le personnage, si vous voulez, est quelqu'un de fréquentable, d'accord ? Mais je note que dans son histoire, il y a un élément déclencheur, parce qu'en fait, revenons sur toute cette histoire d'influence, d'affrontement sur Internet. On est entre influenceurs. Est-ce que les gens parlent français encore en France ? Influenceur, qu'est-ce que ça veut dire, influenceur ? Ça veut dire se jetant mon influence, c'est-à-dire je demande aux gens de se placer sous mon influence, de répéter ce que je leur dis de répéter, pour étendre justement mon pouvoir sur toute une série de gens. L'influence suppose le pouvoir, est liée au pouvoir. Et on est dans un domaine, le fitness, mais ce serait vrai du jeu vidéo, c'est vrai de toute une série de domaines. En fait, c'est la loi de la compétition. D'accord ? C'est la concurrence. C'est la concurrence, c'est lié à la vie elle-même. La concurrence pour les femmes ou les hommes, la concurrence économique, etc. Bon, on est là-dessus, on est sur une lutte pour l'influence, pour se créer une part de marché, pour occuper un territoire, pour occuper une niche. Bien, vous croyez que ces femmes qui se plaignent, et quelques hommes aussi, vous croyez que d'abord et avant tout, ce sont quoi ? Ce sont des gens qui sont sur le même créneau et qui ne sont pas restés dans des positions de victimes face à ce Marvel Fitness. Ils ont réagi. Ils ont eux-mêmes lancé des campagnes de déstabilisation. Ils ont appelé leur propre communauté à aller harceler l'intéressé. Donc c'est allé dans les deux sens. C'est allé dans les deux sens. C'était un combat d'influence. Or, et là j'ai un vrai problème aussi avec ça, donc il y a la dimension féministe, mais il y a aussi ces gens qui arrivent sur Internet, qui créent leur chaîne YouTube, qui créent leur page Facebook, qui veulent la célébrité, qui veulent le succès, mais sans payer le coût du succès, le coût de la célébrité. Vous croyez quoi ? Que vous êtes bienvenu quelque part quand vous essayez de vous faire votre place ? Non ? Les gens en face de vous ne vont pas vous faire cadeau. Franchement, si vous intéressez, je vais vous donner juste cet exemple. L'histoire du cinéma, l'histoire des acteurs de cinéma et des actrices de cinéma, c'est un univers impitoyable. Tous les coups sont absolument permis entre les acteurs, les réalisateurs, pour prendre l'ascendant. Quand on voit le produit fini, c'est-à-dire des acteurs sur un écran, on peut être enthousiaste, on peut voyager. Mais attention, il y a tout ce qu'il y a derrière, ce que les gens ne réalisent pas. Quand vous prenez quelqu'un comme Alain Delon, vous croyez que c'est uniquement des belles gueules, des mecs qui savent dire un beau texte, etc. Non, ce sont des êtres humains complets et qui ont des aspects aussi noirs. Il y a des aspects noirs chez ces personnes-là, d'accord ? Alain Delon, par exemple, pour réussir, à un moment donné, il a dû être en lien avec la mafia. Alors, si vous voulez vous intéresser à la vie d'Alain Delon, je vous le recommande, vous apprendrez des trucs. Moi, je ne juge pas du tout, je ne suis pas du tout manichéen, je le comprends. Mais il y a des gens qui ne le comprendraient pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Alain Delon, quand on venait un peu trop le faire chier, justement, dans le cadre de lutte d'influence, parce que soit on voulait lui prendre du pognon, soit on voulait le déstabiliser, bah, il sollicitait un peu la pègre. Et puis il y a des gars, dont l'espérance de vie a brusquement, elle a connu une baisse conjoncturelle, on dira quoi. Hein. Donc ça existe ça. Bon, ça fait pas la une. Donc quand je vois ces gens-là, par exemple, donc les jeunes qui arrivent, ils disent voilà, moi je touche autant qu'une chaîne de télévision, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, ce qui est vrai. Il y a des vidéos qui font 500 000, 1 million. Bon, mais qui veulent pas les contreparties, non. Ils ont une représentation, j'allais dire, de la vie qui est totalement erronée, quoi. Je veux dire, peu importe le domaine où vous allez opérer, on ne vous attend pas, et je dirais même, on ne veut surtout pas vous voir. Vous allez devoir vous battre pour vous faire votre niche. Et quel est le point le plus important, je crois, de l'article ? C'est quand on dit, voilà, la décision du tribunal, c'est d'interdire de réseau social Marvin Fitness, qu'est-ce que ça veut dire ? Le type ne peut plus exercer. Ok ? C'est comme quand un médecin est interdit d'exercice de la médecine. Ouais, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'au terme de cette lutte d'influence, qui se passait sur les réseaux sociaux entre communautés respectives, et je le dis bien, ça allait dans les deux sens. Alors après, il y a eu un basculement quand cette nana a produit de fausses photographies de lui à caractère sexuel en disant voilà, il harcèle sexuellement. Bon. Donc là, il y a eu un basculement, ça s'est radicalisé de part et d'autre. Bien. Donc les types sont allés dans les deux sens, et en fait, au terme de cette lutte d'influence, comme sa communauté était beaucoup plus virulente, Bon, ils étaient sous pression, ils n'arrivaient pas à bout. Et là, on a basculé sur le domaine de la justice. C'est-à-dire que l'État a pris le relais, la force publique a pris le relais du domaine privé, en fait. On est passé du privé au public. Oui, l'État est venu au secours. Mettre son nez dans le libre marché. Voilà, il est venu mettre son nez dans le libre marché pour intervenir en faveur de certains acteurs de ce marché contre d'autres. En l'occurrence, un petit cartel d'un stapupute. Il y a une dimension sociale aussi là-dedans, très intéressante. Et remarquez donc dans ce cas-là que l'État nègre a pris un coup dans l'aile. Oui, mais tu vas comprendre pourquoi. Oui, ah ben j'ai bien compris, mais oui. C'est-à-dire que une de ces actrices du fitness, l'avocate en question, l'avocate qui représentait la totalité des plaignants, elle est avocate dans la vie, mais c'est aussi une passionnée du fitness. D'accord ? Donc elle aime bien se montrer, etc. Bon, très bien, ok, elle fait ce qu'elle veut. Sauf que cette femme-là, elle appartient à la haute société. Elle appartient à la haute société. Elle a des connexions. C'est pour ça que ce nègre, il ne pouvait pas s'en sortir. D'accord ? Il a tapé sur du trop gros gibier, sans s'en rendre compte. Vous voyez ? Et cette nana-là, c'est pour ça que vous voyez, dans ce pourquoi il était condamné, il y a menace sur avocat ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire qu'elle a réussi à utiliser sa qualité professionnelle d'avocate en mélangeant le fait qu'elle était en fait elle était ciblée et raillée sur les commentaires dans les commentaires ou parce que en qualité de d'animatrice du fitness et elle a dit bah non je suis avocate, c'est-à-dire elle a joué sur les avec ses deux cartes professionnelles si vous voulez. Elle a dit j'étais attaquée en tant qu'avocate alors qu'elle n'était pas attaquée en tant qu'avocate, elle était attaquée en tant que protagoniste de ce petit univers du fitness là. Voyez, mais devant les tribunaux, quand vous arrivez, quand vous dites à un président de tribunal ou à une présidente de tribunal, j'ai été attaqué en qualité d'avocate, c'est une atteinte inadmissible à la justice, etc. Le nègre n'a rien compris, quoi. Il n'a rien compris de ce qui se passait. Et elle a pu le faire parce qu'elle avait des connexions, elle était en lien avec le bâtonnier. Donc, un bâtonnier, type... tu veux dire. Ouais, elle a des gens extrêmement influents, je veux dire. Donc, elle ne pouvait pas l'emporter. Donc, là, vous avez encore le phénomène de sérail, exactement comme avec la préfète. C'est la classe dominante, d'accord ? Et là, tout d'un coup, donc il y a une bourgeoise qui s'éclate sur Internet, qui se fait admirer par des mecs voilà, sur Internet en faisant du fitness, mais elle est multicarte, elle est aussi avocate, elle a ses entrées un petit peu partout dans le monde de la justice, et là, tout d'un coup, bon, bah, le négro qui se croit malin de banlieue, etc., là, paf, il tombe sur un problème. La réaction est immédiate. Donc il y a plusieurs types, si vous voulez, de coteries au pouvoir qui ont une véritable capacité de représailles. On parle souvent des juifs, mais il n'y a pas que eux. D'accord ? Il y a d'autres réseaux. Et ils répondent. Donc là, vous voyez aussi, ce qu'on voit dans cette affaire, c'est aussi quand la justice rentre en action pour défendre les siens. D'accord ? La justice est privatisée en France. Elle est privatisée par la caste au pouvoir. D'accord ? Mais il y a aussi, maintenant, elle rentre en action quand l'idéologie de la caste au pouvoir est remise en question. Donc, il y a deux fils conducteurs dans tout ça. Vous voyez, il y a le fil conducteur social et il y a le fil conducteur féministe, du féminisme comme idéologie. Et ça c'est, il faut bien le voir, quoi. Moi, je suis désolé, hein, je ne suis pas exactement sur la même ligne que vous à ce sujet-là. Mais pour une raison assez différente. C'est-à-dire que ici, qu'est-ce qu'on a ? On a deux interlocuteurs qui font du business sur Internet. Et qui font du business, ils ont leur petit monopole, et le but, c'est de faire du fric. Je me suis tapé 2 heures de vidéo d'une des parties et 2 heures de l'autre. Alors, bon, je veux bien que cette nana ait des copines avocates, qu'elle soit, disons, un peu plus organisée que Monsieur Marvel Fitness, mais il faut quand même se rendre compte qu'à un certain moment, le gars, pour des raisons que j'arrive même pas à comprendre, parce que il me viendrait jamais l'idée de faire une fixette sur quelqu'un sur Internet et de commencer à vouloir systématiquement détruire cette personne. Mais à un certain moment, les publications de ce gars ont été un torrent de saloperies absolument extraordinaire, qui, par la communauté de la partie adverse a nécessité une réponse. Et là, tu te retrouves dans un merveilleux barrage d'artillerie où ça bombarde des deux côtés. Tu es en plein milieu de 14-18 ans. Alors, que la magistrature soit ce qu'elle est, c'est-à-dire d'une médiocrité totale, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas pour une raison assez simple. C'est que le problème de la magistrature, c'est d'avoir des magistrats qui vont s'occuper des cas urgents. Donc, tu dois avoir des gars qui soient blindés en matière de terrorisme, tu dois avoir des gars qui soient blindés en matière de grand banditisme, en matière de pédophilie, en matière de mœurs, en matière de tout ce que tu veux. Et quand tu t'aperçois qu'il y a un gars ou une nana qui est magistrat et qui est une nullité totale, le problème, c'est que tu ne peux pas t'en débarrasser. C'est ça le problème de la magistrature. Donc, les cons, tu dois les foutre ailleurs. Alors, pendant tout un temps en Belgique, quand tu avais un magistrat qui était d'une nullité totale, on l'envoyait au tribunal de l'enfance. Bon, depuis l'affaire Dutroux, on a quand même essayé de mettre des gens un peu normaux à la place, mais à un certain moment, c'était devenu, le tribunal de la jeunesse était devenu le cloaque de tous les avocats, de tous les magistrats incompétents. Ici, ben, je crois qu'on fout tous les cons, on les envoie pour aller juger ce genre d'affaires. Alors c'est normal que tu aies un panel de trous dans les procédures, des trucs qui soient ficelés mais à la va-vite, des machins qui soient gérés par ce qu'ils sont, c'est-à-dire des incompétents. Et je crois que c'est une non-affaire ce truc. On a des gens qui se prennent le nez sur Internet pour... J'avais envie de renommer ça « Chronique du bac à sable » parce que c'est véritablement ça. On a deux gosses qui se crachent à la gueule, on a les amis des gosses qui se crachent à la gueule pour quelque chose qui fait quoi ? Une nana peut pas bosser parce que quelqu'un lui bouffe l'intégralité de sa clientèle en la dénigrant. Ça se limite grosso modo à ça. Et ça a pris des proportions, mais qui sont complètement délirantes, absolument délirantes. Et ça, c'est la déliquescence de la justice, et c'est surtout une révélation que je trouve absolument extraordinaire. C'est-à-dire que YouTube, et plus particulièrement YouTube, n'est pas un système de valorisation. C'est un espèce de gigantesque bac à merde dans lequel se créent des clans de gens qui veulent absolument avoir raison sur tout. Et bon, à l'origine, YouTube avait quelque chose d'intéressant. Il y a quelques producteurs de vidéos qui valent le coup. D'ailleurs, c'est des gens qui généralement... donnent leur savoir, donnent leur technique et ils ne réclament même pas de publicité en échange. Ça ne les intéresse pas de gagner du pognon là-dessus, mais à côté de ça, on a toute cette espèce de gamme d'influenceurs. Alors, tu en as dans la cuisine, dans le sport, dans l'informatique, dans absolument n'importe quoi. Et ces gars-là font du pognon. Attention, ils font beaucoup de pognon. Mais évidemment, c'est la politique de « je suis Dieu, j'ai raison et tous les autres sont des connards ». Ça pourrit complètement les valeurs d'Internet et de trucs comme YouTube. Et soyons très clairs, ça va crever littéralement les supports de valeurs qu'on a sur Internet qui sont petit à petit, parce que ces gens font du fric, donc ces gens ont le support des médias, ils ont le support de toutes les multinationales qui sont derrière. Donc ces gens-là, c'est malheureux à dire, mais par leur petite guéguerre, font crever un Internet qui, à l'origine, était un système d'entraide internationale au niveau planétaire, ou quelqu'un qui savait comment, rendre une planche droite sur une dégauchisseuse de manière plus rapide, permettait à l'intégralité des menuisiers de gagner beaucoup plus de temps. Mais tout ça, ça va partir en couille à cause de petites merdes comme celles que vous venez de décrire. Ouais. Je crois pas. Hein. Je crois pas qu'Internet, enfin que même YouTube, je veux dire, celui qui est intéressé sur des, enfin qui s'intéresse à des sujets très particuliers, trouvera toujours des vidéos qui correspondent à ses centres d'intérêt, sans avoir à subir ces écueils-là. Enfin, je pense que c'est pas. Ben, je pense que DiaboX, tu fais référence. Enfin, ce dont tu parles, c'est un phénomène d'une économie en pleine croissance. Donc au départ de l'Internet comme ça, où ça se développe, on va vers l'inconnu. Par rapport à une économie où on a des parts de marché qui sont de plus en plus limitées. Il y a plus, il faut se partager un gâteau qui ne grossit plus. Mais c'est excuse-moi, Derek, mais c'est la politique de la pizza. Les premiers qui arrivent, plus tu en as qui arrivent sur le même secteur, plus les parts de pizza commencent à se restreindre, et ces gars-là ne supportent pas de voir une perte de 0,2-0,3% de leur chiffre d'affaires. C'est ça qui les emmerde. Je pense qu'on s'écarte. Une réalité économique. Je pense qu'on s'écarte du sujet. Moi, je voulais revenir un petit peu à l'essentiel. Pourquoi ça pose problème? Pourquoi? Parce que les gens disent oui, mais alors c'est anecdotique, ça prend de telles proportions, etc. Bah justement, si ça prend de telles proportions, c'est que c'est pas anecdotique. Et pourquoi c'est pas anecdotique? Bah, c'est très simple. Si vous écoutez régulièrement, justement, ces gens installés, donc cette classe dirigeante là, ces élites installées, que ce soit les journalistes, les hommes politiques, les figures de la télévision, tous ces gens-là, qui sont présents sur les réseaux sociaux aussi pour des raisons d'image, quoi, qui promeuvent leur image, qui sont là pour voilà, qui essayent de faire passer un message évidemment et de défendre leurs intérêts. Ces gens-là sont régulièrement exposés en fait aux critiques sur le net. Et vous découvrez, notamment dans le monde politique, vous découvrez que depuis déjà maintenant pratiquement une décennie, ces gens vivent de plus en plus mal le fait d'être critiqués. Donc il y a, si vous voulez, parce que jusqu'à une date pas si lointaine, on était dans un schéma pyramidal. Et Internet a bouleversé tout ça. Donc jusqu'à une date pas si lointaine, on voyait ces gens apparaître à la télévision, ils délivraient un message, où ils arrivaient à la radio, ils envoyaient un message, ou dans la presse écrite, ou les écrivains, ou voilà. Et les autres, si vous voulez, étaient dans une attitude passive, c'est-à-dire qu'ils recevaient un message, ils ne pouvaient pas répondre. Maintenant, avec les réseaux sociaux et avec l'Internet en général, il y a une capacité, si vous voulez, de réponse, une capacité de réponse critique. Et ça, ils ont beaucoup de mal à l'accepter, et en fait, ils ne l'acceptent pas. Donc, il y a là, si vous voulez, une rupture culturelle. Il y a une rupture culturelle. Les élites dirigeantes sont de plus en plus sous pression de la part de la base, parfois de manière juste, parfois de manière erronée, ça arrive, je veux dire, voilà. Mais grosso modo, cette nouvelle redistribution du pouvoir leur pose énormément de problèmes. Énormément de problèmes. Et si vous relevez ce qu'a dit, un des magistrats qui intervient, je crois que, si vous voulez, c'est le parquet qui dit, voilà, les influenceurs, ces nouveaux prêtres, les réseaux sociaux, vous voyez que ces magistrats ne sont pas au courant que leurs décisions de justice, quand il s'agit de libérer des violeurs, etc., vous voyez qu'ils ne savent pas qu'ils sont extrêmement critiqués sur les réseaux sociaux, que l'opinion publique se forge sur les réseaux sociaux et qu'elle répond et qu'elle a des moyens de réponse qu'elle n'avait pas avant. Ils en sont parfaitement conscients. Donc il n'y a pas que les journalistes, il n'y a pas que les hommes politiques, il n'y a pas que les animateurs de télévision qui sont lassés par cette réalité, cette redistribution du pouvoir médiatique et du fait que l'opinion publique se forge sans qu'ils puissent intervenir sur elle. Il y a aussi les magistrats. Et les magistrats se savent contester. Ils se savent contester. On les conteste assez dans cette émission. Donc vous voyez qu'il y a là aussi par procuration une volonté d'envoyer un message à toute personne qui s'exprime sur Internet de manière critique vis-à-vis du haut de la pyramide sociale et de la pyramide du pouvoir. D'accord ? Il y a plusieurs niveaux d'analyse de cette réaction. C'est pour ça qu'on dit oui, c'est anecdotique. Non, c'est pas anecdotique. Ce n'est pas du tout anecdotique. Et du point de vue des magistrats, ça n'est certainement pas anecdotique. Alors, l'affaire en elle-même, elle est triviale. C'est pour ça que moi, je rentre même pas dans le détail de l'affaire, sauf sur la qualité des différents intervenants. Mais il y a des gens qui vont rentrer dans le détail de l'affaire comme si cette affaire en elle-même était importante. C'est-à-dire si, l'identité des protagonistes, le fait qu'ils travaillent dans le finesse était importante. C'est absolument secondaire. absolument secondaire. Ce qui compte, c'est l'identité sociale des protagonistes. On voit là, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie. C'est-à-dire que l'autre, il est d'origine immigrée, il est noir, ça aurait joué en sa faveur peut-être dans d'autres circonstances, mais là, il est tombé sur des gens qui avaient, comment dirais-je, d'autres cartes à jouer. Et il n'a pas pu remporter cette manche. Et le message par procuration qui est envoyé à toute une série de personnes, par le pouvoir, c'est de dire, bon, maintenant, il y en a assez. Il y en a assez de la contestation organisée sur Internet, de cette formation, avec ses outrances. Moi, je ne le conteste pas, avec ses outrances, il n'y a pas de problème. Mais par définition, il y aura des outrances. D'accord ? Et je me rappelle, pour vous donner un autre exemple, et je vous donne la parole, mais je me rappelle, moi, dans les années 90, lors des meetings du Front National, et Mélenchon jouait un rôle moteur là-dedans avec Julien Drey et toute la clique de SOS Racisme et autres. Quand il s'agissait de partir à l'assaut des rassemblements du Front National dans toute la France, quand Jean-Marie Le Pen faisait un meeting dans telle ou telle ville, il y avait une organisation systématique de la part du Parti Socialiste et de la gauche contre ces meetings. Ils avaient même appelé ça, et Mélenchon avait baptisé ça, le harcèlement démocratique. D'accord ? Quand le pouvoir voulait imposer sa loi, il avait une justification morale à ce qu'il faisait. Vous avez entendu dire que Mélenchon a été condamné pour avoir organisé des meetings hostiles au Front National dans toutes les villes de France au nom du harcèlement démocratique. C'était du harcèlement qui n'était pas dire des trucs sur Internet. Voilà, c'était physique. Il y a eu des agressions physique, lors de ces choses-là. Il y a eu des gens qui prenaient des nions dans la gueule. Voilà. Moi, je n'ai jamais entendu dire que des tribunaux, des magistrats vertueux se sont saisis de l'affaire pour recadrer les choses et dire non, il est inadmissible d'empêcher des Français de s'exprimer lors de meetings politiques animés par Jean-Marie Le Pen. J'en ai jamais entendu parler. Donc, encore une fois, ces décisions de justice sont toujours univoques. Elles vont toujours dans un sens et jamais dans l'autre. Donc, je ne crois pas à l'impartialité des magistrats. Je ne crois pas à l'impartialité des tribunaux, encore moins dans cette affaire. Et par ailleurs, je dis que les détails de cette affaire sont absolument secondaires. Et je ne suis pas en train de dire que le Marvel Fitness, est un ange qui n'a commis absolument aucun excès et qu'il n'a rien fait d'autre. Mais je note aussi que la nana qui a fabriqué des pièces, et notez bien, quand elle a voulu essayer de plomber le mec dans cette lutte, qu'est-ce qu'elle a sorti comme carte ? L'accusation, l'harcèlement, le harcèlement sexuel. MeToo. Voilà, MeToo. Attention, elles le savent. Elles le savent, quel levier activer pour remporter la bataille morale. Je crois qu'elle n'a avoué que le truc était faux. Que très tardivement. Hein. Ça a mis plus d'un an, un an et demi à faire... À sortir, je me demande même si elle n'a pas sorti le procès. Ouais, voilà, quand c'était. Non, mais c'était plus tenable dès le départ, en fait, parce que ils avaient débunké ça assez rapidement, parce que la capture était faite de manière assez, assez grossière, donc ça, ils avaient débunké ça. C'est pour ça que bon, faut comprendre à ce moment-là que les types en face, déjà c'est des nègres, donc ils sont énervés par nature, hein. Mais quand tu vois une nana qui fait un fake comme ça et puis qui ne dit rien quand on lui dit que c'est un fake, bon, le type, il dit, bon, ok, c'est open bar. Hein. C'est open bar, voilà. Et oui. Open bar. Ben, moi, je veux juste dire un petit truc là à propos de la nana, parce que moi, je me suis quand même frappé ces deux heures là. Ouais. J'ai beaucoup souffert. Sa vidéo, y a plein de. Comment dire quand le nègre parle, etc., ils ont tout compilé, ils ont fait des. Dès qu'il parle, c'est en accéléré, déjà. Bon, c'est intéressant. Tu te prends des coups de mitraillette avec toutes les vidéos qu'il a fait. Tout est coupé, il y a plein de coupes quand elle parle. Ça a été monté apparemment avant parce qu'à la fin elle fait une petite incursion après le procès pour dire voilà, il était condamné, etc. Donc la vidéo était prévue. Je suis quasiment certain que ça a été fait sous contrôle de son avocat, ouais, avant que ce soit mis en ligne. C'était bien préparé. Et on la voit, elle est dans un pull large, tu sais, un peu mal coiffé, avec, c'est bien mis en scène. Hein, t'as le chat de temps en temps qui vient, ouais. Le, le chat. Ouais, je vois bien. Et que quand tu regardes ces autres vidéos, en fait, et je te jure, j'en ai regardé, enfin, j'ai pas regardé en entier ces vidéos, ça n'a pas grand intérêt, ça n'a pas grand intérêt pour ce qui nous occupe aujourd'hui, mais tu n'avais pas l'impression d'avoir à faire la même personne, quoi. Habillée en mode très près du corps. Pute, je crois que c'est le mot que tu cherches, c'est pute. Ouais, ouais, c'est ça, même la tête et tout, les cheveux, alors je sais pas si depuis elle a pris des hormones ou quoi par rapport à la musculation. Si vous regardez sa vidéo là où elle fait très petite fille, dans sa vidéo de 2 heures, qui a été enregistrée peut-être il y a plusieurs mois en grande partie, et si vous regardez juste les vidéos précédentes qui ont été enregistrées il y a 10-15 jours, vous allez me demander, putain, mais c'est la même personne, même la tête, hein, je dirais que ça a grossi. Enfin, moi, je soupçonne des stéroïdes dedans. Bon, je suis peut-être mauvaise langue. Mais, ah, bah oui, ça doit consommer beaucoup de. Oui. Bah, je sais pas, mais en tout cas, j'ai vu que l'avocate, là, enfin, d'après ce que j'ai compris, elle serait maquée à donc un bodybuilder qui est très très massif et qui est dont la turgescence des muscles suppose une certaine connaissance en chimie, hein, voilà. Dire ça comme ça, donc bon, est-ce que ce petit monde là si tu évolues, etc., il y en a des nanas comme ça, hein. Tu as des nanas qui étaient très jolies et qui pendant 10 ans ont pris des stéroïdes, on dirait Arnold Schwarzenegger. Bon, bon, pour l'instant, on est au début, j'ai mis une hypothèse. Mais regardez, allez sur sa chaîne YouTube, Aline Dessine, vous ouvrez sa vidéo d'1h50, etc. Vous regardez un petit peu si vous n'avez pas envie de tout vous taper. Moi, je me suis tapé ça, hein, avec douleur. Hein. Bon, le nègre est insupportable, c'est un nègre, mais... prenez en compte que tout ce qui vous est sorti est monté de telle manière à vous faire pleurer. Voilà, ouais, la petite musique derrière, tout est là, tout est bien calculé. Hein. Mm. Et regardez, faites la comparaison avec les autres vidéos. Moi, je ne connaissais pas cette nana-là. Hein. J'ai découvert l'affaire cette semaine. Et vraiment, j'avais l'impression que c'est entre les vidéos qu'elle a tournées il y a 15 jours et cette vidéo-là qu'elle a publiée, j'avais l'impression que ce n'était pas la même personne. Même la tête n'est pas la même. C'est l'attitude et tout, donc... J'ai envie d'aborder un point, justement. Parce que c'est elles qui sont concernées au premier chef dans cette affaire. C'est-à-dire, c'est les Instagrammeuses. Et en fait, les Instapoufs. Et plus particulièrement du fitness. Parce qu'elles, en réalité... Ce qu'on ne dit pas, hein, je veux dire, le fitness est un prétexte, en fait. Ces femmes-là mettent en avant leur corps, utilisent leur plastique pour créer un public généralement masculin qui viennent mater, en gros. Hein. Pute, je crois que c'est le mot que je cherche aussi, Gandalf. J'ai dit Instapouf, quoi. Alors évidemment, c'est pas OnlyFans. Alors OnlyFans, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas. Bon, je vais pas sur le site, hein, je veux dire. Mais je connais le concept. En fait, vous avez, sur OnlyFans, en fait, vous avez des nanas qui vendent, qui vendent des photos d'elles et qui même peuvent vendre des performances filmées d'elles-mêmes. C'est-à-dire que vous pouvez demander à une nana de faire ceci, cela. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que bon, mais voilà, qui vendent ça. Je trouve ça assez pauvre parce que finalement, le type n'a pas grand-chose en réalité à part comment dirais-je des 1 et des 0 sur un disque dur. Mais bon. C'est un business. Bon, là, c'est beaucoup plus soft, évidemment, c'est du fitness. Enfin, tout est prétexte à montrer son cul, quoi, voilà. Alors, bon, je vais pas jouer le... Ah, ben, elle le montre... Voilà, mais justement, alors c'est le centre de l'attention. Hein. Voilà, c'est... Bon, elles sont là pour montrer leur cul, bâtir un public là-dessus, et faire de l'argent, c'est-à-dire avec des annonceurs, des marques, de la promo, etc. Bon, bien. Bon, je vais pas jouer l'homme prude, etc. C'est-à-dire, je suis pas choqué parce que je vois une nana qui met en avant sa plastique, je m'en fous. Mais je veux dire, c'est quand même le concept de base. Et quand vous regardez, et donc elles sont, ce sont des influenceuses, c'est-à-dire qu'elles assument leur qualité d'influenceuse, c'est-à-dire de vouloir influencer la société et plus spécialement les autres jeunes filles aussi. Alors, voilà. Simplement. Donc, il y a un mois, ça s'appelle muscler ton boule, voilà. Voilà, muscler ton boule. Bon, ouais, voilà. Muscler ton boule. Le mot quoi qui vient des banlieues. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que là, peut-être certains auditeurs suivent pas. Quand vous regardez les modes, l'évolution de la plastique féminine telle qu'elle est désirée, qu'est-ce que vous observez? Et notamment, ce que promeuvent ces nanas-là, ces instapoufs-là dont on parle, c'est d'avoir un gros cul. Donc, un gros cul de négresse. Voilà, elles se focalisent, elles font des exercices de musculation pour surdévelopper leurs fessiers, avoir une espèce de cul gonflé, parce que c'est ce qu'aiment les nègres. Et c'est ce qu'aiment aussi les Maghrébins. Intéressez-vous à ça, allez sur Facebook, etc. Vous allez voir, je sais pas, il y a des pages, hein, pas des pages pornographiques, hein, c'est des pages avec des nanas un peu connues. Vous allez voir les Maghrébins, les Noirs, dans leur réaction, ils bloquent sur les nanas avec des énormes fessiers. Quand je dis énormes, c'est pas avec un peu de forme. Hein. C'est des culs de vache pour les, comment dirais-je, pour un homme européen normalement constitué, quoi. Mais je sais que chez nous, il y a des hommes qui aiment les femmes très très fines, voire minces. D'autres qui aiment avec un peu plus de forme, etc. Là, on ne parle pas de ça. On parle de cul de vache. Elles encouragent les jeunes blanches à se forger une plastique qui réponde aux besoins sexuels des mâles noirs et maghrébins. Donc, dans les réactions que j'ai pu voir, parce qu'il y a certains mecs qui ont pris la défense de ces gonzesses-là, en essayant de nous les présenter comme des petites blanches... comment dirais-je, pure, innocente, etc. J'ai dit, oh là là là là là là là là là là là, faut arrêter le train là. Hein. On n'a pas affaire à des communiantes. Hein. Les communiantes, par définition, ne sont pas en train de créer des business qui consistent à exposer leurs fessiers surdéveloppés devant un public afro-maghrébin. Hein. C'est pas ça des nanas qui sont un peu prudes. Hein. Et je crois qu'il y a certaines personnes qui ont complètement manqué cette dimension-là dans l'affaire. D'accord. Donc. Attention, je veux dire, voilà, c'est et d'ailleurs c'est frappant. Comment ne pas voir un lien de cause à effet? Comment ne pas voir que ce soit des blanches qui surdéveloppent leurs fessiers pour attirer l'attention des nègres, qui finissent par se faire clasher par des nègres? Je veux dire, au bout d'un moment, on est quand même dans un milieu qui a sa propre cohérence, d'accord? Et là, je rejoins les mecs qui diraient, ouais, le Marvel en question, bah, il est quand même un peu dérangé, ou même franchement dérangé. C'est-à-dire, oui, c'est un nègre. Ok, c'est un nègre aussi, quelque part. Et si ces blanches s'exposaient pas comme elles le font, elles attiraient peut-être pas ce type de public aussi. D'accord? Donc, les gens qui essayent de ne pas voir que les causes ont des conséquences, bon, je suis un peu désolé pour eux. Voilà. Donc, je me reconnais pas dans les personnes qui ont essayé de me dire ouais, mais quand même c'est un nègre, etc. Oui, je le sais que c'est un nègre, je l'ai vu. Voilà, j'ai pas envie de passer ma vie avec non plus, moi non plus. J'ai pas envie de regarder ses vidéos. En plus, j'ai regardé 10 minutes, le type est insupportable. Ok, je le conçois, je l'intègre. Mais bon, il y a plusieurs protagonistes. Voilà. Quelqu'un veut dire quelque chose? Pierrot, peut-être, ou Derek, ou. Bon, c'est attardé longuement, mais il y a tellement de tiroirs dans l'affaire que. Ce n'est plus une culotte de cheval, c'est une culotte d'éléphant Afrique oblige. Donc ça, c'était Alain Soral en parlant de sa Traoré, c'était pour exposer un peu mon propos. Est-ce qu'il a déclenché des réactions absolument historiques, y compris de Kémy Séba, hein? Oui, ah oui, c'est une réalité. Une grande chimpanzerie extériorisée. Ah oui, non, mais ils ont tous pété un jeton, c'est-à-dire que les hommes blancs, ils disent ça, c'est pas nos standards de beauté, non merci, vous voyez. Et là, tout d'un coup, les mecs, ils le prennent pour eux, qu'est-ce qu'ils ont à foutre, c'est leur femme. Je veux dire, on n'est pas censé taper dedans, quoi. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont pas contents qu'on refuse leur critère de beauté, qu'on ne veuille pas toucher leur femme qu'ils considèrent belle. Alors bon, normalement, ça devrait être... Ah oui, ils sont dans la même, ces nègres sont dans la même dissonance cognitive que les charlistes. Tu vois, bon, est-ce que les charlistes sont au niveau des nègres? Oui, peut-être, c'est intéressant, c'est un point à développer. Beaucoup de choses à dire quand même, hein, pas en discussion... Ouais. Et riche, même la génération un petit peu d'avant, nous sommes élevés par des femmes. Nous, hommes, femmes, nous sommes élevés par des femmes. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup d'instituteurs. Je ne connais pas beaucoup. Par contre, je connais beaucoup d'institutrices. Voilà. le temps que passent les gamins à l'école dans ces usines où on reformate la pensée qu'est l'éducation nationale, un enfant il passe plus de temps avec son instit qu'avec ses parents. Gandalf l'a souligné juste avant, quand il y a un divorce, bon déjà bah, le type, quand il se présente au barreau, bah, il sait déjà qu'il a paumé parce que le magistrat est une magistrate. Et puis donc divorce, la garde de l'enfant, elle attribue à qui? Très souvent, enfin, c'est pas très souvent à la mère, c'est systématiquement à la mère, à très rare exception près. Donc nous sommes élevés malheureusement par des femmes. Et pour le coup, des femmes élevées par des femmes, ça me choque pas beaucoup, mais des hommes élevés par des femmes, il y a des conséquences après. Voilà. C'est pas sans risque. Bon, sinon sur cette affaire en particulier, je suis d'accord. Hein, le gaminerie dans cette histoire-là. D'ailleurs, Diabolix et Derrick, hein, vous avez beaucoup de patience d'avoir consommé je sais pas combien d'heures de vidéos pour écouter ces gens, parce que c'est vrai que c'est insupportable. Un peu plus de 4 heures. Ah ouais, non, mais c'est une motivation que ouais. Moi, je vais avoir. Pareil. J'espère que vous faisiez autre chose en attendant. Je cuisinais, sortir les poubelles, je sais pas, parce que c'est pas possible. Mais bon, il y a une réalité derrière hein, qui explique ça, c'est que le type en question, là, le Marvel Fitness, c'est un mec, c'est un trentenaire. Mais son public, c'est pas des gens qui ont 30 ans, c'est un public assez jeune, même très jeune, parce que en fait, il s'exprime sur YouTube, et donc la catégorie des gens qui consomment et qui ont un peu de pognon à dépenser sur YouTube, c'est pas les vieux en fait. Les vieux n'achètent pas sur Internet, mais les jeunes, que surtout par rapport à ce genre de contenu, ils vont claquer un peu de pognon. C'est que ce soit Marvel ou Aline, là, parce que celui qui regarde, qui consomme la vidéo. Lui, son but, c'est de, je sais pas, de s'améliorer dans le fitness, par exemple, pour le cas qui nous intéresse. Mais du point de vue de l'influenceur, son but, lui, c'est de faire du pognon. Et le but de cette nana, là, Aline, c'est mon produit, c'est mon cul, et il faut que je fasse de l'argent. Et donc, je sais pas comment est-ce qu'on appelle les femmes qui vendent leur cul pour faire de l'argent. Moi, je pense que je l'ai dit déjà deux fois dans l'émission. Bah, de jamais 203, hein. Ah, c'est une pute, donc. Et bon. Pour le coup, moi, le nègre en question, je le trouve assez antipathique. Voilà. Je disais avant que l'affaire explose, j'aime pas trop ce personnage, il est vraiment insupportable. Même s'il a des côtés un peu marrants parce qu'il est désinvolte. Ok, puis en plus, il a pas très bien agi. Mais c'est pas ça le cœur de l'affaire. Pour moi, le cœur de l'affaire, c'est que le type. Enfin, il ment. Là, la justice. Elle prend vraiment beaucoup de liberté. Tous ces juges, etc., ils sont vraiment tout puissants. Et nous, on n'est pas grand-chose. Et ça m'inquiète parce que finalement, ça rejoint le sujet qu'on traitait juste avant. C'est un cas qui peut faire une sorte de jurisprudence. Voilà. Et donc après, il y a une volonté politique derrière. On sort de l'histoire de. On n'est plus l'histoire d'Aline contre Marvel. On s'en fout en fait de ça. C'est pas important. C'est quoi les conséquences derrière? Et moi, un point qui... Enfin, pour le coup, je me demande comment c'est passé dans un tribunal, des gens qui sont censés être très, très précis sur les questions de droit. L'histoire de la communauté là qui fait du tort, parce que le type, il a dit quoi? Il a dit « go red, go dislike » ou des trucs comme ça. Et du coup, ça lui retombe sur la gueule. Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. C'est comme si... je sais pas, nous, là, on lance un appel « démocratie participative, allez troller Tristan Mendès ». Voilà. Et puis finalement, il est type, il est mort, et puis voilà. Et du coup, ouais, ça tomberait dessus, ça n'a pas de sens. Nous serons responsables de ça. Hein. Voilà, donc du coup, ça n'a pas de sens, ça. Que ça va beaucoup trop loin. Puis il faut noter aussi, c'est peut-être un lien du coup avec le fait que nous sommes élevés par des femmes, c'est qu'on est devenu une société de fragiles. C'est-à-dire qu'ok, le type en question, il a peut-être été un peu trop loin, si on veut, mais la nana, elle en rajoute des tonnes, d'accord. C'est quoi Go Red? C'est quoi? C'est des gens, ils vont sur un profil Facebook et puis ils vont cliquer sur dislike. Voilà. Ça va. Ils vont faire des blagues. Mais en attendant, il y a un type. Pour le coup, c'est un nègre, donc effectivement, je vais pas chialer, mais en théorie, c'est pour le principe, on envoie un mec en tôle parce que on lâche des dislikes sur YouTube. Bon. C'est un peu bizarre. Et on l'écarte du jeu. Et maintenant, oui, par la force de l'État, le monopole des Insta Pouf est instauré. Hein, donc voilà, hein, socialisme total. Et tous ceux qui voudront protester, truc, bah, ils seront écartés. Parce que, et alors, c'était un nègre. C'est-à-dire que c'est arrivé par un nègre, ok ? Et par une bourgeoise qui s'est sentie frustrée, là. L'avocate en question qui a double casquette. Bon, la prochaine fois, sur la base de cette jurisprudence, si c'est confirmé en appel, ça ne sera pas nécessairement un nègre, hein, loin s'en faut. Hein, il est... Et puis, c'est quoi, surtout, la dimension du harcèlement moral. Alors peut-être que là, même, c'est même certain, parce que il demande à sa communauté de réagir, etc. Mais vous savez, vous pouvez avoir des nouvelles interprétations, puisque c'est les juges qui décident dans tout ça. Et vous n'êtes pas obligé d'avoir des communautés de 150 000 abonnés auxquelles vous dites ceci, cela, ça se trouve, et c'est même sûr, quand une nana, une féministe, peut-être un peu bien placée, qui connaît du monde, qui aura, je ne sais pas moi, une centaine de mecs qui viendront sur Twitter parce qu'ils en ont marre, qu'elles fassent chier, et dire voilà, tu nous emmerdes, etc. Et qu'ils auront simplement réagi à un mec qui était sur Twitter qui a dit oh, regardez ce qu'elle a encore dit cette conne. Là, ils vont identifier le mec sur Twitter. Alors, comme ça, monsieur, vous avez envoyé une centaine de personnes harceler cette femme sur Twitter. Il faut quand même mesurer les conséquences potentielles d'une thèse de jurisprudence en faisant passer ça dans du harcèlement. Alors, évidemment, on prend toujours des cas, si vous voulez, où il y a tout, on peut toujours, il y a toujours matière. Mais encore une fois, il faut prendre du recul, faut voir le tournant. D'ailleurs, c'est ce que dit le journal Le Monde. Ils disent voilà, c'est un tournant. On dit c'est un tournant. C'est comme l'affaire de la préfète, c'est un tournant. Voilà, tu n'as pas envie de serrer la main d'une femme. Bon, là, c'est pour les musulmans. On dit, ah, donc les mecs, ils réagissent un petit peu comme des chiens de Pavlov. Ils disent, ah, bah oui, mais c'est un musulman, donc ça passe, quoi. Ouais, puis la prochaine fois, ça sera quoi? Il y a un mec qui ne veut pas faire la bise parce qu'il la trouve trop grosse. On va lui foutre ses 150 euros d'amende parce qu'elle s'est sentie, comment dirais-je, ça a été un propos ou un comportement qui sexiste, qui touche à la dignité. Qu'est-ce que ça va être encore? Vous voyez, c'est... Ce sont des lois orwelliennes. C'est orwellien. Sur l'interprétation, c'est fondamental. On est dans l'interprétation par des juges rouges et des femmes. Et tout est dans ce mot-là, interprétation. Vous prenez par exemple la loi Guesso, d'accord ? Moi, je vous trouve une cinquantaine d'articles de loi qui vont à l'encontre de cette loi infâme. Par rapport à liberté d'expression, liberté individuelle et tout. Mais comme il y a une fameuse interprétation marxiste qui est derrière, avec un bout de, avec deux, trois phrases, ils vous retournent le truc et ils interprètent ce qu'ils veulent. Voilà, ce qu'ils veulent. Et à la fin, ça sera juste le discours dominant qui sera validé et vous pouvez toujours vous raccrocher. Oui, mais la Constitution, les droits de l'homme, Cour européenne de mon cul, rien à foutre. À la fin, ils interpréteront ça comme ils veulent de toute manière. Il ne faut pas se raccrocher à des bouts de texte, parce que moi, je vous les retourne comme je veux, et les juges, pareil. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, les petits rigolos là, du parti d'Asselineau, hein, qui sont absolus. Sur le côté, oui, mais selon l'article, le droit, etc., ces gens sont des naïfs. Ils n'ont absolument rien compris. Tout à fait. Ouais, Eric. Ouais. Oui, je voulais préciser tout de même la peine qui a été mise là sur le nègre là, Banu ouais. Marvel. Donc un an de prison ferme plus ouais. Un an avec sursis. Avec mandat de dépôt, c'est quelque chose qui n'arrive quasiment pas pour des affaires de coups et blessures ouais. Quand un bougnoule ou autre va tabasser des blancs, etc. Le type, hein, bon, ce nègre-là, en l'occurrence, n'avait pas le casier judiciaire. Hein, vous avez de nombreux nègres ou bougnoules en liberté qui ont ouais. leur actif. Hier, ma foi, tout à fait important, et qui n'ont jamais foutu un pied en tôle. Jamais, pas un, hein, pas un. Quand ils sont condamnés à la prison ferme, on leur met un bracelet, etc., on s'arrange, ouais. Et des travaux d'intérêt généraux. Donc là, non, première condamnation, pouf, mandat de dépôt en tôle. Ce qui traduit une échelle invisible des sanctions. C'est-à-dire une... La magistrature ne réagit pas de la même façon selon les cibles et les contextes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a, il y a la loi, et puis il y a ceux qui font appliquer la loi, plutôt celles qui font appliquer la exactement. Loi. Exactement. Cette semaine, par exemple, il y a eu un Mohamed, voilà, c'est bien sûr un hasard, hein, qui donc a été accusé de viol et qui a pris un sourcil. On a eu ça cette semaine, ça fait un peu de buzz. Voilà. Ah ouais. Bon. Ouais, ok. Normal. Hein. Donc, comme quoi, vous voyez, c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas que la dimension du féminisme. Il y a aussi la dimension, je veux dire, de classe, pour reprendre une expression un petit peu socialisante. Quand on appartient à la haute bourgeoisie en France, comme c'est le cas de cette avocate qui fait aussi, qui se met en scène sur YouTube en tant qu'animatrice de fitness, vous pouvez activer des réseaux et obtenir des décisions de justice qui sont beaucoup plus dures que si vous êtes simplement une gonzesse, juste une petite française qui se fait agresser ou violer par un maghrébin. C'est-à-dire, en fonction de votre position dans l'échelle sociale, vous aurez des décisions de justice qui seront beaucoup plus sévères en votre faveur. C'est à noter aussi. Est-ce que ces juges-femmes ne considèrent pas qu'en fait, bon, se faire violer par un maghrébin ou par un nègre, ce n'est pas si désagréable. Il y a peut-être un non-dit, c'est-à-dire que c'est peut-être inhérent à la présence afro-maghrébine. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas, nous. Hein, voilà, peut-être une différence d'heure, et que finalement, il faut peut-être pas... faut peut-être plutôt basculer dans le champ de la contravention, peut-être. C'est plus grave de dire des trucs sur Internet à une femme que de la violer. Visiblement, dans certains cas. Une femme qui monte son cul, hein. Une femme qui monte son cul sur et qui en fait commerce, c'est plus grave de s'en prendre à elle par des mots que de la violer. Il faut noter ça, hein, en tant qu'homme, parce que nous, peut-être, on comprend peut-être pas, on se dit, oui, c'est quand même plus grave de violer une femme que de lui dire des trucs méchants. Alors peut-être que du point de vue féminin, non, je ne sais pas, hein, j'émets l'hypothèse. Alors messieurs, je vous propose de faire une pause musicale et on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission de Démocratie Participative. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 5, épisode 36. Alors, finalement, on reste sur la même ligne, c'est-à-dire ce féminisme structurant, en fait, du dispositif idéologique dominant, qui en fait légitime toute une série d'actions offensives contre les deux principales périphéries politiques et sociologiques que sont, hein, bon, les Français de souche, vous avez compris, opposés à l'immigration, typiquement l'électeur du RN, quoi, et les immigrés, surtout musulmans, qui ne sont pas suffisamment républicains ou qui seraient suspects de ne pas adhérer à l'idéologie républicaine, qui est, nous dit-on, enfin, dont un élément central est, donc pour paraphraser la préfète du Cher, Madame Ferrier, l'égalité homme-femme. Alors, l'égalité homme-femme, je le dis en passant, est une impossibilité, puisque par définition, l'homme et la femme ne sont pas égaux. Donc, quand on essaye d'imposer par la force l'égalité homme-femme, en réalité, on cherche à rabaisser l'homme sur toute une série de sujets, mais avec aucune compensation dans d'autres domaines. Bon, l'égalité homme-femme est donc un pilier de cette idéologie républicaine, nous dit-on. Et il y a des héroïnes, hein, des passionnariats vendus, marketés par le système, pour incarner ce féminisme laïque, puisque le féminisme est conditionné par la laïcité aujourd'hui en France. Donc c'est vraiment deux éléments du discours dominant, de cette idéologie dominante, féminisme, laïcité. Sous-entendu, la laïcité, c'est-à-dire l'expulsion du fait religieux de la sphère politique, de la sphère même publique, j'ai presque même envie de dire de la société, permet l'émancipation des femmes, qui apparemment est un objectif très important, émancipation étant comprise comme émancipation de la tutelle des hommes. Donc, voilà, la religion serait un fait masculin, ce qui est évidemment éminemment contestable, enfin, c'est ce qu'on nous dit, et ça permettrait de légitimer l'ascendant qu'auraient les hommes sur les femmes. Ce serait vrai de la part des catholiques, des hommes catholiques, traditionnellement en France, et des nouveaux venus que seraient donc les hommes musulmans. Et on nous dit, voilà, il faut neutraliser les deux, le patriarcat catholique blanc, bon, à mon avis, il est en mauvais état, mais c'est une autre question, et le patriarcat ascendant islamique qu'il faudrait aussi neutraliser. Et alors, entre toutes les figures, c'est la beurette émancipée, comme vous le savez, quoi. Donc ça, c'est l'arme de la propagande de la bourgeoisie républicaine, très connotée aussi communautairement, hein. On va parler un peu de Charlie Hebdo par la même occasion. Qu'est la beurette donc émancipée? La beurette émancipée, c'est la démonstration par A plus B qu'une immigration est possible en France, une immigration extra-européenne, qu'il n'y a pas de fatalité dans le domaine, qu'il n'y a pas de déterminisme, si vous voulez, qui rendrait impossible l'immigration. Voilà, c'est pas parce qu'on viendrait d'un pays d'Afrique du Nord, ou qu'on viendrait d'Afrique, ou qu'on viendrait de Turquie ou du Proche-Orient, qu'on ne pourrait pas devenir un Français comme tous les autres, c'est-à-dire un citoyen de la République française qui adhère totalement à l'idéologie dont je viens de parler. Donc, le discours sous-jacent derrière ça, c'est vraiment de dire l'immigration, c'est possible, la preuve. Et la nana qui incarne ça en ce moment, depuis un certain nombre d'années, c'est quand même Zineb El-Razoui. Voilà, c'est la nana qui dément, en tout cas pour le système, c'est la nana qui dément, par sa seule existence, l'inexactitude ou le caractère infondé des théories à la fois de ce qu'on appelle l'extrême droite et des communautaristes musulmans ou afro-musulmans. Voilà. Donc, je crois d'ailleurs qu'elle est, très très proche, ou peut-être a-t-elle écrit un ouvrage, je ne sais pas, aux éditions Ring, hein, qui sont considérées comme étant... proche, oui. À droite. Enfin, en tout cas, elle est très proche. Et vous allez comprendre. Vous allez comprendre pourquoi je veux en parler, parce que des gens sont tentés, et je comprends, hein, je veux dire, par volonté de résister à l'islamisation et enfin l'invasion islamique avec tout ce que ça suppose, de dire génial, c'est une alliée de circonstances, c'est très très bien. Attention, c'est beaucoup plus vicieux que ça, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi c'est très trompeur. Comme dans le cas de Marvel Fitness, on peut avoir vite un réflexe, si vous voulez, simplement parce que ça a l'air facile à interpréter. Donc on peut facilement prendre position simplement parce que le type est un aigle. Donc on est... Et quand tu creuses, tu te rends compte, ah non, c'est piégé. C'est-à-dire qu'il y a, un dispositif derrière, il y a un niveau de lecture, un deuxième niveau de lecture, un troisième niveau de lecture, et plus tu rentres dans les niveaux de lecture, plus tu te rends compte que c'est beaucoup plus compliqué et qu'il y a certaines erreurs à ne pas faire. Et alors, l'Azineb, bon, finalement, est devenue une égérie, je suis fasciné, parce que je regarde les réactions, et notamment suite à cette petite affaire dont on va parler tout de suite, je suis fasciné de voir la transversalité de sa popularité qui témoigne de l'unification de la bourgeoisie en France, au plan idéologique. Donc, pendant très longtemps, il y a quand même deux bourgeoisies, une bourgeoisie de gauche, une bourgeoisie de droite, qui savaient coopérer, elles n'étaient pas totalement hermétiques, mais qui aussi avaient des différences très significatives, notamment sur les mœurs, et tout ça était conditionné par la religion. La bourgeoisie de droite étant quand même très empreinte de catholicisme, et la bourgeoisie de gauche, au contraire, se constituant contre le catholicisme et sa culture, quoi. Et on voit que ça, c'est en train de disparaître, et alors il y a cette unification qui se fait au plan idéologique avec les mêmes représentations collectives, dont le féminisme, hein, ou prétendu tel, quoi. Et l'Azineb est au cœur de ce truc-là. Alors, c'est vous dire si elle joue un rôle important. Et alors, et surgit, ça dit beaucoup de choses hein, sur la société française, tout ça, surgit un type qui est quelqu'un d'origine immigrée, qui est un musulman, qui s'appelle Idriss Si Hamedi. Alors, je comprends que les gens ont envie de dire, oui, bon, c'est des bougnoules, finalement, bougnoules laïcars, bougnoules islamistes, tout ça, c'est la même chose, il faut qu'ils retournent dans leur pays. Je suis d'accord. Mais il reste là, c'est une fois qu'on a dit ça, en fait, on a tout dit, on n'a rien dit, il reste là, il faut quand même qu'on essaye de comprendre ce qui se passe. Donc ce type-là surgit, c'est un militant proche des Frères musulmans. Il est proche de la Turquie d'Erdogan, donc c'est un activiste qui se situe, si vous voulez, dans la nébuleuse UOIF, Tariq Ramadan, des gens comme ça. L'UOIF est très influent dans la région de Lille avec Martine Aubry, donc... c'est vraiment une galaxie qui prend de plus en plus de poids, sociologiquement, en raison de l'immigration, tout simplement, hein, et qui a de plus en plus d'influence politique, c'est-à-dire qu'il y a, et surtout au niveau local, il y a beaucoup de maires qui doivent maintenant transiger avec ces gens-là. Ils sont organisés, ça représente beaucoup de votes. Si vous voulez vous faire élire dans certaines villes, bah, vous pouvez, ils sont devenus incontournables, vous ne pouvez plus rien faire. Donc ce gars-là vient de cette nébuleuse-là, donc c'est un islamiste, très clairement, donc il défend l'islam en général, mais une certaine aussi conception de l'islam, donc un islam qui s'affirme, un islam politique, quoi. Et donc lui, si vous voulez, il se sent extrêmement ennuyé par cette Zineb qui effectivement, comme Éric Zemmour, mais Éric Zemmour c'est très différent, mais qui il est représentatif dans sa réaction, il est très irrité de cet activisme de la beurette émancipée Zineb. Donc il en a marre, et il a fait des révélations à son sujet. Alors je pense que nos auditeurs ont forcément entendu parler de la Zineb. Hein. Je veux dire, elle est dans tous les médias, elle fait la couverture de l'Express, enfin je veux dire, bon, elle est partout. Donc, je ne vois pas comment les gens ne pourraient pas en avoir entendu parler, d'autant qu'elle fait partie de la bande Charlie Hebdo, précisément en tant que beurette émancipée et laïque. Donc, il déballe. Et là, le mythe commence à s'écorner, parce qu'on découvre quoi? Alors parmi les révélations qu'il fait, on découvre ce qui suit, ça c'est un message du 24 septembre, je cite, hein, parce que c'est assez court et c'est très parlant. Donc il s'adresse à la nana, il dit « Pouvez-vous ?» Donc il s'adresse directement par Twitter hein, à Zineb, il lui pose la question publiquement. « Pouvez-vous catégoriquement nier que votre mari ne s'est pas converti à la mosquée Finsbury Park à Londres, mosquée jugée radicale pour des raisons administratives avant son départ à Riyad en Arabie le 12 septembre 2001 ?» Donc le type t'explique un truc qu'on ignorait en fait, c'est que le mari de Zineb El-Razoui est un converti à l'islam et qui s'est converti pas nulle part, hein, il s'est pas converti, voyez, avec l'imam le plus proche de chez lui, il s'est converti dans une des nombreuses mosquées du Londonistan qui bénéficiait en fait de la protection des services de renseignement britanniques. Qui créait là, en fait, qui formait là toute une série d'activistes djihadistes qu'on exportait ensuite dans les pays que la Grande-Bretagne voulait déstabiliser pour les propres besoins de sa politique étrangère. Donc, le mari de Zineb s'est converti dans une mosquée radicale. Alors vous allez me dire, mais c'est qui? C'est une espèce de maghrébin converti sur, enfin, reconverti ou un blanc mais non, non, c'est un gros poisson. On apprend ainsi, donc je vais vous donner la profession de l'intéressé. Voici ce qu'il dit, donc Idriss Siyabidi, il dit, bon, alors donc, Zineb El Razoui, auriez-vous l'amabilité de nier que votre mari ne travaillait pas à la banque Rothschild, au pôle finance islamique en Arabie Saoudite, et qu'en réalité votre protection policière est un écran de fumée puisque vous habitez en réalité à Dubaï? Donc le gars a eu accès, et ensuite il fournit toute une série, il fournit les noms, des copies de profil, etc. On découvre en fait que la nana de cette que le mari de Zineb El Razoui est non seulement converti à l'islam dans une mosquée radicale, mais qu'il l'a fait avant son départ en Arabie Saoudite, donc là on est sur les réseaux wahhabites traditionnels, où il travaille pour le compte de la banque Rothschild pour gérer de la finance islamique. Note quand même la date hein, à laquelle il a fait. Oui, 12 septembre 2001. Bon. Ah, intéressant. Non mais bon. C'est très loli-lol, quand même. Hein. Oui, mais c'est là que c'est raccord pour ceux qui connaissent la véritable histoire du 11 septembre. La version officielle du 11 septembre. C'est William qui danse. Bah oui, voilà, je ne vais pas faire tout un discours sur le 11 septembre, hein, ça serait trop long. Mais grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé le 11 septembre? C'est très simple. Il y a eu, donc les services secrets américains, l'État profond américain avait besoin d'un casus belli pour intervenir au Moyen-Orient, pour le refaçonner en vue du maintien de la domination américaine au XXIe siècle. Il fallait s'emparer des pays orientaux où se trouvent les réserves gazières et pétrolières pour rester au centre du jeu mondial au XXIe siècle. Bien, il fallait un prétexte, le prétexte c'est le 11 septembre 2001. Donc, on trouve cette histoire rocambolesque d'avions civils pris en otage par des bédouins, qui défont la défense aérienne la plus sophistiquée de la planète pour se cracher dans le Pentagone et dans le, comment dirais-je, et dans le World Trade Center. Bien. Mais en fait, on apprendra par la suite que les types étaient suivis en temps réel, et ça c'est avéré, ce n'est pas contesté, hein, étaient suivis en temps réel par les services secrets israéliens sur le territoire américain. C'est-à-dire qu'à aucun moment les mecs sont passés sous les radars. Ils étaient suivis au jour le jour par les services secrets israéliens. Et en fait, on apprendra plus tard, mais ça serait trop compliqué à expliquer, mais on apprendra plus tard que l'Arabie Saoudite a fourni les gars. L'Arabie Saoudite, en 2001, était protégée par l'armée américaine. Elle l'est toujours d'ailleurs. Hein. L'armée américaine est stationnée depuis la guerre du Golfe en 91. Elle est protégée par l'armée américaine. Et comment dirais-je, j'ai le grand patron de cette opération-là pour le compte de l'Arabie Saoudite, c'est Bandar Ben Sultan qu'on retrouvera dans l'affaire syrienne. C'est lui qui va acheminer tous les djihadistes en Syrie pour déstabiliser Bachar al-Assad. C'est lui qui était en poste à Washington à ce moment-là. C'est un ami personnel de George Bush. George Bush, qui est aussi un ami personnel de la famille Ben Laden, avec laquelle il partage des intérêts financiers. Je ne sais pas si les gens s'en rappellent. Et à la tête de la représentation diplomatique saoudienne, il va accueillir les candidats au suicide en Californie et ailleurs, et il va les orienter vers les points de concentration des kamikazes. Il va les envoyer à droite, à gauche, et là ils sont suivis par les Israéliens qui connaissent très bien les mecs, qui savent comment les suivre, comment les pister, comment s'assurer que tout fonctionne bien, quoi. Et comment dire? C'est en cela qu'en fait le 11 septembre est une coopération entre les États-Unis, l'Arabie Saoudite et Israël. Ce que les gens ne savent pas. Donc quand vous voyez le mari d'El Razoui le 12 septembre 2001 partir pour l'Arabie Saoudite après s'être converti dans une mosquée radicale évoluant dans la nébuleuse, eh bien wahhabite, Al-Qaïda, etc., tout en bossant pour Rothschild. Vous pensez de suite, et bouh, état profond. Hein, voilà. Voilà, vous avez compris que non, ce n'est pas incompatible. Rothschild, Al-Qaïda, Arabie Saoudite, il n'y a pas une erreur. C'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne réellement. Et là, donc on apprend ce profil-là. Donc ça, c'est son mari, d'accord. Ensuite, Il va donner d'autres éléments. Il va dire notamment, voilà, c'est ce qu'il dit. J'ai un autre tweet d'Idriss Siamedi, bon, qui est un islamiste, hein, je le dis, hein, c'est un islamiste, mais lui, il règle des comptes. Oui. Il a un problème avec cette femme. C'est un islamiste qui gère l'association Baraka City, qui a été, dont on sait qu'elle a participé à financer l'État islamique, hein, clairement. Alors, pas l'État islamique, mais les frères musulmans, c'est-à-dire l'armée syrienne libre, qui opérait dans une partie de la Syrie en concertation avec Erdogan, parce qu'Erdogan voulait s'emparer. Oui, les milices armées, voilà. Contre... Tout en sachant que c'est, tout ça est très poreux, c'est-à-dire, hein, c'est bon, oui. Attention, les mecs, oui, passent d'un camp à l'autre, bon, c'est très très poreux, c'est... Alors, il dit ceci. Alors, en attendant les autres questions, pouvez-vous catégoriquement nier que votre mari ne touche pas 60 000 euros par mois, alors que vous aviez accepté de lancer une cagnotte pour payer vos frais d'avocat? Je peux vous aider à donner quelques réponses si vous êtes en difficulté. Et là, il donne des screenshots, des cagnottes de Zineb, où elle a récolté, en fait, parce qu'il y a des gogos honnêtes qui pensent que Zineb El-Razoui permet de lutter contre l'islamisme, n'est-ce pas, lui verse des milliers et milliers d'euros. Il y en a une, là, il y a 47 000 euros, enfin, il y a quand même des sommes considérables qui ont été levées comme ça par cette nana-là, qui en fait est mariée à un type qui vit dans la plus grande aisance en faisant de la finance islamique, notamment. C'est un mariage récent, parce qu'elle était mariée jusqu'à quelques années. Je ne connais pas la date du mariage, je ne peux pas te répondre là-dessus. Elle était mariée jusqu'à récemment, enfin depuis les attentats, jusqu'à, je crois, il y a 2-3 ans. Marocain qui s'est. Enfin, ils ont divorcé. Son ex-mari s'est marié avec une députée, enfin une femme politique marocaine, qui est pour le coup une musulmane du parti islamiste du Maroc, qui attendrait apparemment de se dévoiler. On la trouve en photo en mode voilà. Une femme libérée. Donc, enfin, voilà, pour la petite histoire. Hein, c'est un mariage qui date d'il y a 2-3 ans, ou peut-être 3-4 ans. Hein, oui, enfin, bon, il travaille toujours dans la finance islamique à Dubaï. Il travaille toujours dans la finance islamique à Dubaï, pour Rothschild, semble-t-il. En tout cas, ça n'a pas été démenti par les intéressés. Non, elle n'a jamais répondu, mais elle n'a pas nié non plus. Alors qu'elle aurait pu dire tout ça en bloc. Alors, on apprend par la suite qu'il faut savoir que Zineb El-Razoui accuse constamment la monarchie marocaine et le monarque marocain, donc on ne peut pas dire qu'il soit très charismatique, mais enfin bon, le monarque marocain actuel, d'être le premier des islamistes du Maroc. Rien de moins. Bon, s'en prendre à la monarchie marocaine comme ça frontalement, en général, ça vous met quand même en délicatesse, hein, avec ce pays. Hein. C'est assez... Et on apprend par Idriss Siamedi qu'en fait, elle a une villa au Maroc, elle a acheté au Maroc, une villa de 9 pièces qui vaut une petite fortune. Elle a investi là-dedans et il pose la question, il dit c'est bizarre quand même pour quelqu'un qui attaque aussi frontalement la monarchie marocaine en l'accusant d'être pratiquement administré par un monarque islamiste, d'investir au Maroc pour passer ses vacances. Et avec l'argent de quoi ? Bah, la question, il pose la question, il a raison de dire, est-ce que vous avez acheté votre villa avec l'argent des dons des gens qui pensent que vous résistez à l'islamisation. Je veux dire, effectivement, je ne suis pas sûr que les types qui ont donné de l'argent à Zineb El-Razoui s'imaginaient que c'était pour se payer une villa, quoi. Ils devaient se dire... Vacances à Casablanca, et d'ailleurs, qui sont assez régulières. Et d'ailleurs, elle se gargarise du titre de rescapée de l'attentat de Charlie Hebdo, ce qui est une imposture. Puisque justement, pendant les attaques de Charlie Hebdo, elle était en vacances au Maroc. Mais elle essaie de faire croire que là, elle a essayé d'esquiver les balles, quoi. Voilà. Alors, très intéressant, quand Idriss Siamedi fait ses révélations sur Twitter, donc c'était il y a 24 heures, donc c'était samedi, bon, voilà. Évidemment, ça fait l'effet d'une bombe, notamment chez... son public est un public de musulmans de banlieue, ok, qui... en ont marre, si vous voulez, du matraquage anti-islam, laïcard, qu'on va retrouver chez Charlie Hebdo, mais qu'on va retrouver plus généralement, si vous voulez, dans tout un établissement républicain qui essaye de canaliser, en fait, ces musulmans. Vous voyez, encore une fois, je ne suis pas du côté de l'islam ni de l'islamisation, je tiens à le préciser, je pense que... Bon, je ne crois pas que ce soit contesté, mais enfin bon, à tout hasard. Mais bon, son public, c'est ça. Donc, il bosse pour sa mosquée, on est bien d'accord. Et il dit, voilà, votre avocat, parce que l'avocat de Zineb réagit, et il s'en prend à Idriss Siamedi. Il dit, ouais, c'est une théorie conspirationniste, alors que Siamedi est très factuel. Il pose des questions, il dit, est-ce que c'est vrai que... Ce qui appelle une réponse, et c'est très public. Donc elle peut répondre, non, c'est faux, c'est pas vrai, vous déformez... Bon, elle peut répondre, quoi. Elle répond pas. Son avocat agit, et il se met à vociférer, et ce n'est personne d'autre que Thibaut de Montbrial. Alors là, les gens de nos milieux, vous savez, qui s'intéressent un petit peu à toutes les questions d'islamisme, etc., ils connaissent forcément ce type qui passe sur Radio Courtoisie, comme on dit. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se fait inviter, qui dit, voilà, enfin, qui passe, en fait, pour être... un avocat, si vous voulez, de droite dure, très hostile à l'islam. Bon, moi, ça me va très bien, je suis très à l'aise avec le fait d'être très hostile à l'islam, sauf que je ne suis pas pour les Borettes émancipées, moi, je suis pour la Reconquista, je suis pour foutre les musulmans dehors, moi, en intégralité. Bon, voilà, mais ce n'est pas le programme. Hein. Alors, Thibaut de Montbrial dit que c'est inacceptable, etc. Il parviendra d'ailleurs à faire effacer tous ses tweets. Des gens ont entre-temps pris des captures d'écran, donc tout ça est sauvegardé, mais enfin, ils ont essayé de faire disparaître les preuves. Et Thibaut de Montbrial donc, s'en prend personnellement à Idriss Siamedi. Alors, Thibaut de Montbrial, vous allez me dire, bon, d'accord, ok, c'est un avocat, il se revendique d'une droite assez dure, en tout cas très hostile, non pas d'ailleurs à l'islam, hein, Thibaut de Montbrial ne se dit pas hostile à l'islam, il se dit hostile à une certaine forme d'islam, c'est-à-dire l'islam, enfin l'islamisme, quoi, ils font toujours la distinction, moi je la fais pas, eux ils la font. Voilà, bon, il y a un échange comme ça. Alors, les gens ne savent pas quel est le background de Thibaut de Montbrial. Donc, son père est Thierry de Montbrial. Alors, vous allez me dire, ouais, d'accord, j'avance pas. Thierry de Montbrial appartient au comité directeur du groupe Bilderberg. Alors, je sais que des gens vont dire c'est conspirationniste. Non, c'est officiel. Vous allez sur la fiche Wikipédia de Thierry de Montbrial. Vous regardez son CV. Tout est sourcé. Il appartient officiellement au comité directeur du groupe Bilderberg. Ce groupe a une existence très ancienne et il coopte systématiquement tous les hommes politiques qui sont des hommes politiques que cherche à valider l'élite réelle, si vous voulez, du monde occidental. D'accord. Donc tous les types qui montent, à un moment donné, doivent passer par une audience au groupe Bilderberg, entre autres. Ça a été le cas de Macron en 2014, par exemple. C'est pour vous donner un exemple. Donc comme quoi, ça se vérifie, hein, parce qu'en 2014, Emmanuel Macron, personne n'aurait misé dessus. Hein. Bon. Et 3 ans plus tard, il était président de la République. Ce n'est pas totalement dû au hasard. Bon, alors, vous comprenez donc que, et encore une fois... Il suffit pas de vouloir être représenté par Thierry de Montbrial, Thibaut de Montbrial, fils de Thierry de Montbrial, pour l'être. Hein. C'est-à-dire, il faut que les types estiment que c'est nécessaire. Visiblement, cette Zineb El Razoui, par son profil, rentre dans le dispositif des élites qui contrôlent aujourd'hui l'appareil d'État. Ils se disent, voilà, oui, on a besoin de cette femme-là, on va la défendre, etc. Donc ça compte. Il y a un passif en termes de terrorisme du groupe Bilderberg. En Italie, notamment lors des années de plomb. On a su que lors des années de plomb, il y a eu une manipulation du terrorisme, à la fois d'extrême-gauche et aussi du terrorisme dit néo-fasciste, en fait, pour renforcer le système en place, pour effrayer la population qui s'est reportée sur les tenants du régime. Donc il y a eu une manipulation qui a été faite par le groupe Bilderberg qui a totalement planifié ce type d'attaque terroriste. Voilà. Alors je ne préjuge de rien, je ne dis pas que le groupe Bilderberg est en train de piloter les attentats terroristes en France ou quoi, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire, ils ont un passif dans le domaine, et c'est reconnu. Il y a un juge italien qui a exhumé tout ça et qui en a parlé. Alors bon, si vous voulez, bon, ça commence à faire beaucoup, parce qu'on a une Zineb El Razoui qui prétend être une militante laïque, qui combat la monarchie marocaine, qu'elle accuse d'être islamiste, mais qui s'achète une villa là-bas, qui est mariée à un homme de la banque Rothschild, qui est un spécialiste de la finance islamique, qui s'est converti à l'islam dans une mosquée radicale à Londres, dans le Londonistan, avant de partir en Arabie Saoudite, le lendemain des attentats du 11 septembre. On a un avocat qui rentre en action, qui est le fils d'un pont du groupe Bilderberg, dont on sait qu'il a un passif très important dans l'utilisation du terrorisme à des fins d'ingénierie sociale, etc. etc. ça fait beaucoup de choses. La réaction ne s'est pas fait attendre de la part du système. En quelques heures, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est intervenu en disant « on va mettre ce type hors d'état de nuire ». Je précise en disant que c'est qu'il dit Zineb El Razoui est menacé par des réseaux ultra-violents. Sous-entendant Siamedi est en train de la menacer, Idriss Siamedi. Non, pas du tout. Il a posé des questions publiques. On a encore le droit de poser des questions publiques à quelqu'un. Il n'a pas donné l'adresse de cette personne, de Zineb El Razoui ou de son mari. Il n'a pas dit, voilà, elle habite là, allez la chercher ou quoi. Elle a dit, est-ce que votre mari est bien X ? En mettant les formes en plus un peu. En mettant les formes, je veux dire, OK, il a des intentions politiques, Idriss Siamedi, il travaille pour ses réseaux, on est bien d'accord, mais il pose une question. Et qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, en France, en tout cas en 2020, on peut poser des questions sur Twitter. La réaction du pouvoir, la réaction extrêmement violente du ministre de l'Intérieur, qui a effacé un tweet d'ailleurs, parce qu'il a carrément... il a dit qu'il allait le poursuivre, etc. Ils ont effacé en urgence parce qu'ils se sont rendus compte que le type, dans ce qu'il avait dit, les services de Darmanin ont complètement... ils ont très mal interprété ce qu'il avait dit. Ils se sont ravisés, leur service juridique a dit « Non, faut pas mettre ça, vous gourrez et tout. » Bon, bref. Mais la réaction est extrêmement violente. Tous les tweets ont sauté. Le compte du mec n'a pas sauté. Alors, il a dit, tiens, c'est bizarre, et on voit des copies, parce que Idriss Siamedi a reçu une notification de Twitter, quelques heures après avoir publié, expliquant, voilà, les forces de l'ordre ont demandé le retrait de trucs, et tous les tweets ont sauté. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Idriss Siamedi a dévoilé la mécanique secrète de l'opération de propagande, non seulement Zineb El Razoui, mais l'opération Charlie Hebdo. Et on a vu qui sont, en fait, qui est derrière. Hein, donc, vous voyez des noms un peu bizarres, Rothschild. Bon, et là, c'est la panique à bord. Bon, Gérald Darmanin ayant lui-même des ascendances hébraïques, donc il est très fier. Il était encore à la synagogue aujourd'hui, on va peut-être aussi en parler un petit peu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est marrant, mais... Macron est passé par le groupe Bilderberg, et il est aussi passé par la banque Rothschild. Bien. Le mari d'El Razoui est un financier de la banque Rothschild. D'accord. Il y a quelques semaines, c'est pas très vieux quand même, hein, lors de la fièvre, il y a quelques mois, enfin très récemment cet été, lors de la fièvre autour de George Floyd, la manipulation médiatique qu'on a vue à l'échelle mondiale, où toutes les multinationales se sont solidarisées de George Floyd. Rappelez-vous qu'Assa Traoré a mis le siège devant la cité judiciaire à Paris. Vous vous rappelez de ça ? Des dizaines de milliers de Noirs très énervés mettant au siège devant le principal tribunal de Paris. On a appris par la suite qu'Assa Traoré était une salariée de chez Rothschild. Elle avait transité par Rothschild, ce qu'elle n'avait jamais dit dans sa biographie, parce qu'elle a écrit une biographie. Et ça n'y figurait pas. C'est bizarre, comme tous ceux qui comptent médiatiquement ou politiquement transitent toujours par les mêmes endroits et qu'à chaque fois, il y a une dimension communautaire très marquée dans tout ça. C'est quand même étonnant, je veux dire. Alors, je vais peut-être vous donner la parole. Je voulais préciser tout le cas Zineb parce que je vais expliquer pourquoi après, mais peut-être que je vous sollicite comme ça brièvement parce que vous allez dire un truc, vous réagir là-dessus. Sur les beurrettes Leichhardt, comme si elle rasouille. Surtout qu'en ce moment, cette semaine, là, ça défraye la chronique, puisqu'il y a eu encore une attaque ratée, une attaque contre les anciens locaux Charlie Hebdo. L'attaque de Mbonimpole, qui dit avoir 18 ans et provenir du Pakistan, qui voulait attaquer Charlie Hebdo, qui n'est plus là depuis 5 ans. Sur cette affaire-là, non, mais je trouve que c'est bien d'en parler, puisque ce type-là n'est pas forcément quelqu'un que les gens de notre milieu, notre bord, vont écouter de prime abord, puisque c'est un islamiste, hein, un musulman, un arabe islamiste en France, donc c'est un envahisseur. Mais ce qu'il dit, ma foi, n'est pas inintéressant, et du fait que. Qu'il évoque la Zineb hein, qui est mise en avant par à peu près tout le monde. Hein. C'est vrai que c'est l'égérie de la bourgeoisie de gauche et de droite. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de Ring, mais vous pouvez la voir mise en avant par des dessinateurs de l'extrême gauche, des homosexuels, ouais. Laïcards, enfin c'est-à-dire que c'est la c'est la transversalité dont je parlais tout à l'heure. Elle fait le lien entre l'islamophobe de droite et Laurent Ruquier. Tu vois ouais. Donc c'est pour ça que c'est bon, c'est une figure que qui on parlait, je crois, il y a moins d'un an, hein, de faire la nouvelle Marianne. Je pense que ça va peut-être arriver. Alors, Obono vient de lui damer le pion, par contre, là. Hein. à l'occasion de la réalisation d'une magnifique fresque, ouais, c'était pas loin. Hein. Mm-hmm. Ben, oui. Alors, une petite précision pour corroborer les propos de notre camarade Derek, hein, qui a tout à fait raison. Donc Zineb a une promiscuité avec les éditions Ring, puisqu'en fait elle a fait éditer un bouquin aux éditions Ring. Elle a édité un bouquin par rapport aux attaques de Charlie Hebdo. D'accord. Le bouquin s'appelle 13, vous pouvez vérifier les informations que je vais vous donner. Voici juste la première ligne de description. Zineb, rescapée des attentats de Charlie Hebdo, raconte l'enfer de blablabla. Voilà, donc c'est souvent comme ça qu'elle se présente, rescapée des attentats de Charlie Hebdo. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau, ils pensent vraiment qu'elle était sur place. Hein. Voilà. Elle était au Maroc. C'est comme si un juif quelconque disait « je suis rescapé de l'hypercachère ». Parce qu'il est juif. Mais bon, il n'était pas hypercachère, mais bon, il aurait pu y être, hein, parce qu'il est juif. Non, Derek, non. Parce que Simone Veil était rescapée de juif. Et d'ailleurs, elle est morte officiellement là-bas. Le loco, ça marche un peu pareil. Hein. Il y a beaucoup de rescapés par procuration, en fait. Tu vois, ils ont... Non, mais c'est la même chose. Hein, non, mais c'est important de rappeler que Simone Veil est morte officiellement en Pologne. Oui, elle est morte gazée au Auschwitz, très officiellement. Elle a ressuscité, c'est le mystère. Bon, voilà. Lazare, toi, marche. C'est ça. Oui, mais en tout cas, c'est intéressant aussi de voir que, citons-le, Damien Rieu. Oui, alors oui, venons-en, parce que après, on va parler un petit peu de pourquoi il faut, et c'est très important de démonter cette opération anti-islam cooptée par le système. Non pas le fait de s'opposer à l'islam, au contraire, mais ce type d'opération du système. Juste de citer très très vite fait Damien Rieu qui est très content en fait de ces révélations. Il s'est notamment exprimé sur Twitter, en fait il n'existe que sur Twitter ce type là. Il a dit c'est très malin de vivre avec l'argent de l'ennemi, en parlant de Zineb. D'ailleurs une des premières réactions en tout cas que je vois dans ce tweet en question, c'est un mec qui répond, c'est marrant, vraiment. Du coup, est-ce que tu cautionnes les racailles d'halogène qui grattent la CAF? Voilà, c'est très marrant. Alors, en fait, il dit, voilà, alors le Zineb Gate, quoi, est un fail total. Alors, ça, c'est lui qui le dit. Hein. Elle a une vie aisée, et alors, c'est interdit? Tant mieux pour elle. Et je trouve ça excellent que son mari vive de l'argent islamique. C'est très malin de vivre avec l'argent de l'ennemi. Oui, bien évidemment, les Saoudiens n'ont pas du tout vu à qui ils avaient affaire, vous voyez, qu'ils étaient en train de se faire rouler dans la farine par quelqu'un de très malin, comme Zineb, tu vois. Alors là, vous sentez en fait la panique. C'est triste d'ailleurs pour le mouvement identitaire, parce que le mouvement identitaire, à l'origine, c'était pas du tout ça. Moi, je me rappelle très bien quand il a été fondé. Unité radicale, ça n'est pas vraiment. Ça a changé. Hein. Ça a changé. Alors de voir ça, c'est triste. Alors pourquoi c'est triste? Et pourquoi, c'est une menace? Alors en fait, quand on se focalise uniquement sur une lecture religieuse du problème que nous affrontons, à savoir le grand remplacement, l'invasion des populations non blanches en Europe et en France. Quand vous vous focalisez uniquement sur l'islam, déjà, vous ne parlez plus de tous ceux des halogènes qui ne sont pas musulmans et qui continuent d'arriver, notamment d'Afrique noire. Ça, c'est d'une. Deuxièmement, quand ils parlent d'islam, ils ne disent pas, ils ne parlent pas, même Damien Rieu, ils ne parlent pas de l'islam en bloc, ni Marine Le Pen. Marine Le Pen ne parle pas de l'islam en bloc. L'islamisme radical. L'islamisme radical. Marine Le Pen, à chaque fois qu'il y a un attentat, et notamment, je ne sais plus après quel attentat, mais il y avait eu un attentat assez grave, elle avait commencé son intervention en soulignant qu'il ne fallait surtout pas tomber dans l'amalgame, en amalgamant, si vous voulez, les Français musulmans en général, et les djihadistes. Elle disait, voilà, il faut bien distinguer, l'islam est compatible avec la République, nos compatriotes musulmans ne doivent pas être accusés ou soupçonnés, c'est le fait d'une minorité agissante. Bon, moyennant quoi, la minorité agissante djihadiste, oui, ça fait quelques milliers, quelques dizaines de milliers de personnes. Hein, bon. Oui, et puis on a évoqué il y a quelques semaines, hein, le sondage, l'évolution des sondages entre 2015 et 2020, des sympathies des musulmans de France à l'égard des djihadistes, notamment contre Charlie Hebdo, et de la supériorité de la loi islamique sur la loi française de l'autre. Donc ce n'est pas une minorité, ce n'est pas quelque chose qui est marginal. Donc dire ces choses-là, c'est induire en erreur et ne rien comprendre. Tout à fait. Alors quand on se focalise sur l'islamisme comme ça, même sur le djihadisme, du coup on se focalise sur un problème sécuritaire, de terrorisme très réel, mais si on prend le problème démographique qu'on affronte, qui est la vraie crise, c'est marginal, je suis désolé, je suis obligé de le dire, c'est marginal. Quoi. Le djihadisme en France est marginal si on le compare à l'invasion qu'on subit, qui est une invasion démographique et pour l'essentiel relativement pacifique, même si bien sûr on a tous les problèmes de criminalité... des viols, mais grosso modo, c'est l'essentiel, si vous voulez, ne commet pas d'attentat. Donc, quand on commence, si vous voulez, pour ne pas subir les attaques des médias, justement, de cette classe dominante, de ces élites dominantes qui veulent l'immigration, quand on veut pas subir les attaques des médias de ce système, on est obligé, si vous voulez, de réduire considérablement le champ de sa critique, pour ne plus la limiter qu'à la question de l'islamisme ou même du djihadisme. Et vous dites, ah ouais, bah quand même, tous ces musulmans français qui sont par ailleurs si admirables, comme le dit Marine Le Pen. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de se faire cracher dessus par les immigrés le reste du temps. Enfin bon, ouais, ça c'est une autre question. Alors du coup, en quoi c'est dangereux ce truc, comme fait Damien Rieu, donc de se porter au secours des créatures de ce système, je vais le dire, hein, aux mains des juifs, qui cherchent à neutraliser à la fois les petits blancs énervés par l'immigration qu'ils veulent, et que la finance juive veut, confère Rothschild, et les islamistes radicaux qui peut-être, pour des raisons consubstantielles en fait à leur religion, par sympathie aussi pour les Palestiniens et autres, sont un petit peu remontés et qu'il faut canaliser. Bah, le danger, si vous voulez, c'est que vous devenez une roue de secours de cette bourgeoisie. Vous devenez un idiot utile de la bourgeoisie républicaine juive dont on a parlé durant toute cette émission, juive ou enjuivée, quoi, vous m'avez compris, quoi. C'est-à-dire que voilà, c'est de temps en temps, voyez, tu vois, t'es sur le banc, tu vois, comme un con, comme Damien Rieu, tu vois, puis tout d'un coup le mec il dit allez sur le terrain, le mec il est content, il va jouer 5 minutes, tu vois. Non, tu vas jouer 5 minutes parce que l'entraîneur a dit que tu vas jouer 5 minutes pour jouer la partition qu'il a décidé pour toi, et ensuite tu rentres, c'est pas toi qui va écrire la partition. Donc les maîtres du système disent voilà, là on a besoin d'un petit coup d'islamophobie quand même, comme disent les musulmans, quoi. On va chauffer un petit peu quand on est bien, parce que là il remue trop, ou parce qu'on en a besoin tout simplement, voilà, il faut envoyer un message pour calmer les petits blancs qui sont un peu énervés, voilà, alors hop, voilà. Et tu vois Damien Rieu qui vole au secours de Zineb, qui est simplement une caution du système, mais pour le statu quo, parce qu'en fait, ça sert à quoi de vendre la maghrébine intégrée? Le beurre républicain, ça sert à quoi? Ben, ça sert à maintenir la politique d'immigration. Ça sert à dire aux classes moyennes blanches, vous voyez, il y en a quand même des biens. C'est à ça que ça sert, c'est à ça que sert Zineb El-Razoui. Voilà, ça sert à dire... D'ailleurs, elle traite les mecs, hein, elle dit, voilà, il y a deux dangers. Zineb El-Razoui s'exprime comme ça, elle dit, il y a deux dangers en France, hein, il y a l'islamisme et le racialisme blanc. Hein. Donc le réflexe d'autodéfense. Moi, si vous voulez, quand je vois... le suprémacisme blanc. Alors moi, quand je vois une beurette qui arrive en France, comme ça, hein, qui vient expliquer à des Français de souche qui sont un petit peu énervés parce qu'ils deviennent des citoyens de seconde zone du fait de la politique pensée par les Juifs qui veulent les mettre en minorité dans leur propre pays, de se faire traiter de suprémaciste parce que tu as simplement envie de rester maître chez toi par une beurette comme ça, j'ai très peu de patience pour ce genre de truc, vous voyez. Alors qu'on essaye de me vendre ça comme mon allié dans une lutte, non, c'est ce que fait Damien Rieu. Donc Damien Rieu... C'est ce que fait toute une partie de la droite tout à fait. Sous patronage spirituel bien identifié. Oui, bah, Monsieur Goldanel notamment, on va y revenir. Donc, on n'a pas vocation à jouer contre notre camp, qui est le camp de la libération totale de l'Europe, de l'emprise halogène, notamment musulmane, par le bas, de l'emprise juive sémitique par le haut. On n'a pas vocation à être les roues de secours de la juiverie qui divise pour régner. Donc un coup à droite, un coup à gauche, un coup contre les musulmans, un coup contre les blancs. Moi, j'ai pas vocation à être sur le banc et à attendre mon tour. Voilà. Donc il faut débunker l'imposture identitaire, pas la thématique identitaire, pas le combat identitaire, mais du mouvement identitaire tel qu'il est devenu et qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au départ, quoi. C'est effrayant, quoi. C'est effrayant. Et puis ensuite, parce que dans le même temps, si vous voulez, quand c'est des blancs qui s'énervent, je sais pas, genre deuxième tour des élections 2017, oh, Marine Le Pen est là. Bon, bah là, c'est l'inverse. Là, on a besoin, si vous voulez, de caution pour expliquer qu'il faut faire barrage au fascisme. Donc là, on en a toute une série d'autres, de mecs qui disent, ouais, des blancs qui disent, ah, bah, il faut surtout pas voter pour ça, parce que vous comprenez quand même, la République, c'est important. Donc, il faut sortir de cette dichotomie artificielle qui est créée par le système. Voilà. Donc c'est ce que je voulais dire, c'était important de revenir là-dessus à mon sens. Et voilà, donc, je pense qu'on a fait le tour là-dessus, mais c'était important. Si quelqu'un veut peut-être faire d'autres remarques, je prends. Hein. Ouais, moi je vais en faire une. Je l'ai dit des fois dans l'émission, je vais le répéter. Idriss Siamedi, si tu nous écoutes, bon je pense pas, hein. Moi, je te préfère, Idriss. Hein. Je te préfère mille fois à toutes les beurrettes intégrées. Et je préfère tous les gens comme toi, bien radicaux, bien tranchés. Voilà. Il faut une fracture. Il faut que les Français arrêtent de croire aux rêves républicains. Il faut qu'il y ait une fracture nette. Il faut des cortex. Il faut des morsailles. Il faut des Idriss, tout ce que vous voulez. Et au moins, on voit directement qui est dans quel camp. Voilà. Ouais, il faut en finir avec cette machine à nous tuer. Moi, vous savez quel est mon dada, hein, c'est Boko Haram. Ah oui, c'est Boko Haram. Je te rejoins. Voilà. Je vais avoir les Patrick Carteron, les Ineb et compagnie. Oui, bon, les Patrick Carteron, il s'est marié parce qu'il ne peut pas baiser des beurrettes comme il veut. Donc, il devient fou, il a les yeux écarquillés comme ça. Bon. Ok, bon, c'est très bien. Voilà. Les nègres magiques, les beurrettes rafistolées. Qu'on retrouve à valeur actuelle d'ailleurs, hein, je suis obligé de le souligner. Oui, rafistolées. Je suis causeur aussi. Hein. Madame Lévy. Chalala pour les poils, hein, n'est-ce pas? Donc ces beurrettes-là qu'on retrouve un petit peu partout. Non. Bon, quoi, au moins les choses sont claires. Hein, voilà. Du bon gros nègre bien, bien gras. Qui sort la machette et là, oui, là au moins on a quelque chose d'intéressant d'antagoniste, hein. Même sur le plan artistique c'est intéressant ce qu'ils font, je trouve. Bon, bref, c'est un avis personnel. Ouais, tu parles de causeur, hein, je viens juste de faire le rapprochement dans ma tête, mais Elisabeth Lévy a le même nom que le mari de Madame Buzyn. Mais s'il n'y a pas assez de ça veut dire de quoi il y a trop. Donc vous avez vu, il y a une tribune là qui est parue, il y a eu 100 médias, donc les médias du système, toujours le même truc. La liberté d'expression, oh, la même semaine où on met un Verissen en prison, hein, je veux dire, les types tremblent pas. Hein. Les mêmes médias qui font des dépêches sur le cas Risen en disant, à aucun moment, il y a une interrogation, mais c'est quand même étonnant, on met en prison des écrivains ou quoi ou... Non, c'est la même semaine, t'as une tribune pour la liberté d'expression, à cause de Charlie Hebdo qui serait soi-disant menacé. Il y a eu un Pakistanais qui sort de nulle part, etc. Bon, voilà, les anciens locaux, bon, ils sont menacés soi-disant, enfin, les médias dominants sont menacés dans leur liberté d'expression. je veux dire, j'ai pas tellement l'impression qui sont entravés dans leur capacité à répandre des insanités, des mensonges, je les trouve au contraire. Même les identitaires dont on a parlé là tout à l'heure se font sniper leur compte Twitter, etc. Ouais. Facebook. Là, je l'identifie, là, je le comprends, ouais. Voilà, donc il y a une censure qui ne dit pas son nom, hein, parce que ça arrive comme ça, bof, c'est normal. Non-respect des standards de la communauté, alors quelle communauté? Oui, laquelle pas, hein. Oui, de quelle communauté parle-t-on? La communauté de Jéhovah, je ne sais pas. Bon, les médias, eux, font du check. C'est du pile-poule, hein, leur truc. Hein. Oui, non, mais est-ce que l'extrême droite dit qu'un tel a été libéré après un viol? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oui, mais en fait, on ne savait pas si il était vraiment, les victimes étaient vraiment pas consentantes ou pas. Bon, dire que c'est faux, mais en fait, oui, c'est vrai. Bon, ces gens-là ont toute la latitude pour nous dégueuler dessus, nous dire que ce qu'on raconte c'est de la merde et qu'on n'a qu'à crever, mais ils sont victimes de l'oppression sur l'opinion. Alors, ouais. Bon, non, faut arrêter de déconner, quoi. Hein. C'est, les médias de gens comme Xavier Niel ou Patrick Drahi, ce sont des gens oppressés, si tu veux, qui n'ont pas le droit de s'exprimer. Que Le Monde et Libération viennent nous dire qu'ils sont victimes d'une restriction à la liberté d'expression. Bon, on a construit des camps pour moins que ça, quand même. Hein. Ah bah tiens, officiellement, il y a eu un débunkage du grand remplacement. Le grand remplacement, ça n'existe pas. Oui, c'est une théorie extrême droite. Xénophobe, raciste. Moi, je vois des bougnoules et des nègres partout, mais en fait, non, c'est une théorie. D'ailleurs, Mélenchon, il parle de... Voilà, mais c'est une théorie. Alors, puisque tu parles de libération, et puisqu'on est un peu sur la même thématique, hein, toujours dans le fil conducteur, hein, alors, je cite le média, là, c'est vérifiable, hein, mediapresse.info. Alors, ils ont fait un petit article très intéressant. Alors, le mercredi 16 septembre, les salariés du journal Libération, qui est une propriété de Patrick Drahi, vous savez, ce milliardaire israélien, ont élu leur nouveau directeur de rédaction, l'Israélien Dov Alton. Okay. Fondé par Jean-Paul Sartre et Serge Joly, Libération, quotidien de gauche dont l'histoire retiendra qu'il fut un défenseur de pédophiles dans l'héritage de la pensée 68arde, vient de faire un choix qui n'est pas anodin. Libération devait remplacer Laurent Geoffrin, parti cet été créer son mouvement politique, les Engagés et ES. Bon, ça c'est pour l'anecdote. C'est donc Dov Alfon, 59 ans, qui dirigera la rédaction du quotidien Libération. Dov Alfon est présenté comme un ancien journaliste d'Aretz, un quotidien de la gauche israélienne. Très bien. Il n'est pourtant pas que cela. Ouais. Ouais. Je peux préciser. Alors, il le présente dans l'article comme étant un ancien journaliste d'Aretz. C'est l'ancien rédacteur en chef d'Aretz. Ah, rédacteur en chef. Oui, c'est pas un journaliste, c'est pas tout à fait la même chose. Il était journaliste dans les dernières années. Il était correspondant à Paris. Ouais. Mais pendant une dizaine d'années, voire plus, il a été rédacteur en chef du journal. D'accord. Alors, il n'est pourtant pas que cela, nous dit Mediapresse. C'est un ancien de l'unité 8200, unité de renseignement de Tsahal, donc l'armée israélienne. Cette unité spécialisée dans le renseignement d'origine électromagnétique et le décryptage des codes se situe au même niveau que la NSA pour les États-Unis. Plusieurs anciens membres de cette unité 8200 ont ensuite pris des fonctions dans les entreprises de technologie de l'information dans différents pays. L'unité 8200 gère la base d'Urim Sijit dans le désert du Negev, capable d'intercepter des appels téléphoniques, des courriels et autres types de communications à travers le monde. Dov Alfon fit son service militaire dans cette unité 8200 et il fut rapidement nommé chef de section. Bon, Libération est donc une publication militaire israélienne spécialisée dans la lutte contre l'extrême droite française. C'est marrant parce que le type est rentré à Libération comme étant effectivement le responsable du numérique à Libération. Il est rentré il y a quelques mois et puis bon. Oui. En fait, bon, quand Geoffrey a dit qu'il s'en allait. Alors peut-être qu'on lui a dit de s'en aller, enfin, je ne sais pas, mais voilà, il était là, déjà rentré par la partie numérique. Alors, il a dû mettre en place des choses. Alors, vous comprenez donc que cette presse de gauche là, qui appelle à laïcité, qui met en avant ce genre de personnes comme Zineb, etc., vous avez bien compris que c'est administré depuis le quartier général par des professionnels, hein, par des officiers. D'accord ? Bon, je c'est bien que tu le cites, cher Derek, parce qu'il faut quand même le dire. Pour certains qui seraient encore un peu sceptiques sur tout ce qu'on affirme. Tout ce que je dis là, c'est vérifiable, vous pouvez le regarder, nos auditeurs devraient d'ailleurs le vérifier par eux-mêmes. Donc voilà, précision est faite. Alors restons sur notre lancée, parlons un petit peu d'Hervé Ryssen quand même, hein, c'est notre prisonnier politique. Alors, là on va parler de Goldnadel un petit peu, Gilles-William Goldnadel, qu'on le connaît, parce que justement on le retrouve aussi dans toute cette droite dite anti-islam, mais pas du tout opposé, hein, enfin, qui ne s'intéresse pas trop aux questions raciales, hein, qui est très focalisé sur l'islam uniquement, sur le mode Damien Rieux, hein, dont il est le mentor d'ailleurs. Gilles-William Goldnadel est quelqu'un qui écrit partout. Ça me fascine un peu d'ailleurs. On le retrouve au Figaro, aux Grandes Gueules, Valeurs Actuelles. Il a ses propres médias d'ailleurs, hein, il a sur internet, il est très présent. La France Libre .tv. Ouais. Et il apparaît aussi sur la chaîne de télévision CNews quasiment tous les jours. Ah oui, c'est vrai, il participe là-dedans, c'est vrai aussi. On l'a retrouvé chez Ardisson. Chez Pascal Pro. Il a été chez Ardisson aussi très longtemps. Et donc voilà, donc on sent que c'est quand même quelqu'un qui compte, hein, dans le paysage médiatique. Il est officiellement avocat, enfin, c'est surtout aujourd'hui un homme de médias, ça c'est indiscutable. Alors, il a accordé une interview à Égalité, pas Égalité et Réconciliation, ça m'étonnerait, mais ça sera beaucoup plus tard, je pense, mais à Braise Info. Alors, j'ai lu l'interview de Braise Info, je vous invite à vous y reporter. Enfin, là, il y a un condensé qui est passé sur le site d'Alain Soral, Égalité et Réconciliation, et bon, la synthèse est courte et elle dit tout. Donc, alors, c'est donc dans le cadre de son engagement contre l'antisémitisme que Gilles-William Goldnadel, devant lequel se prosterne de soi-disant patriotes, a fait condamner Hervé Ryssen à 6 mois d'emprisonnement en octobre 2017 et 1 an d'emprisonnement en juin 2018. Peine cumulée pour lesquelles est tombé Hervé Ryssen le 17 septembre 2020. Interrogé par Braise Info à propos de la liberté d'expression et de l'incarcération d'Hervé Ryssen, l'avocat et militant franco-israélien Gilles-William Goldnadel, grand manitou du national-sionisme en France, c'est la formule d'Alain Soral, a plus que jamais démontrer l'étendue de sa duplicité. Qualifié, oui, parce que dans cette interview, il dit qu'il s'oppose à l'incarcération d'Alain Soral, qu'il a fait incarcérer. Derrière Ryssen. Voilà. Oui, enfin, d'Alain Soral aussi à terme, mais bon, il s'opposera. Peut-être qu'il protestera plus tard contre l'incarcération d'Alain Soral après l'avoir fait boucler, mais bon. Ah, les juifs, quoi. Non, mais c'est bon, voilà. Donc, il a fait. C'est à cause de Goldnadel que Hervé Ryssen est derrière les barreaux, et il est dans Braise Info à expliquer qu'il est contre l'emprisonnement de l'écrivain Hervé Ryssen. Bah, tu connais la formule de Bernard-Henri Lévy, qui est la guerre sans l'aimer. Gilles-William Goldnadel, c'est envoyer les gens en prison sans le vouloir. voilà. Alors, je poursuis sur la note d'Égalité et Réconciliation. Qualifié par le passé de harceleur juridique par Dominique Vidal et de propagandiste de l'État ghetto par Luc Rosenweg, le grand défenseur de la liberté d'expression Gilles-William Goldnadel a poursuivi et fait condamner par le biais de son association Avocats sans frontières. Pourquoi tout ce que font les juifs est sans frontières? C'est étonnant, hein. Mais aussi de la LICRA, de l'Association France-Israël et du Congrès juif européen, des dizaines de personnalités depuis 1985, dont Ciné, Roger Garaudy, Jean-Marie Cavada, Daniel Mermet, Éric Hazan, Edgar Morin, Dieudonné, Zéon, Robert Forisson, Alain Soral, Jérôme Bourbon, Henri de Lesquin, Jean-Marie Le Pen et donc Hervé Ryssen plus récemment. Donc Pilpoul et Hutzpa, Gilles-William Goldnadel ne soutient en rien la liberté d'expression d'Hervé Ryssen, il a contribué à l'envoyer en prison, nous dit donc Égalité et Réconciliation dans cette synthèse qui est assez intéressante. Alors, qui veut, sans violer la loi, réagir à ce que je viens de dire? Sans violer la loi, ça va être compliqué, mais là, en tête, il me vient tout un tas de passages du Talmud où il est permis de mentir, en fait. Voilà, je ne vais pas les citer ici, mais non, mais il se fout de notre gueule. Mais ça, c'est une discussion qu'on avait pour le coup discussion qu'on avait en privé, Gandalf, que je peux répéter ici, c'est je crois qu'en fait, il a fait son juif dans le sens où par rapport aux gens qui le suivent, disons qu'il y a ceux qui vont vraiment se réjouir de l'incarcération d'Hervé Ryssen, parce qu'ils sont opposés à l'antisémitisme, on va dire, et ils vont avoir comme pensée, regardez, vous avez vu, Gonadel, il a vraiment grand cœur, parce que même ses ennemis, bah, ils pardonnent, quoi. Et puis il y a ceux, finalement, qui sont opposés à l'incarcération d'Hervé Ryssen par rapport à la liberté d'expression, qui vont aussi approuver ces paroles-là. Donc en fait, il est gagnant-gagnant, il prend pas de risque, et puis de toute façon, ça n'engage à pas grand-chose de faire ce genre de déclaration, quoi. Voilà. Oui, bah, ça c'est la duplicité juive dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que Golnadel, en fait, joue surtout mis sur tous les tableaux. Donc voilà, donc là, il essaie de donner le change. Mais ça peut être, c'est intéressant d'un certain point de vue. C'est-à-dire que nonobstant les calculs de Golnadel et sa duplicité, et sa route pas absolument ahurissante dans cette affaire, il n'empêche que on peut quand même le retenir, on peut archiver cette réaction en disant, voilà, Golnadel a dit que voilà, il ne faut pas emprisonner Hervé Ryssen. Bien. C'est inacceptable. Alors du coup, ça veut dire que ceux qui n'ont pas, au moins comme Golnadel, l'excuse d'être juif, c'est-à-dire que, bon, le juif est juif, donc le juif juif, quoi, quelque part. Hein. Mais il y a des gens dans la droite nationaliste qui n'ont pas cette excuse, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas dire, bah voilà, moi je suis juif, je vais quand même pas me féliciter que des antisémites, blabla. Ils pourraient quand même dire, la liberté d'expression des Français en France, ça compte, c'est quelque chose d'important. Il me semblait, j'avais cru comprendre que quand on était un patriote en France, on défendait le droit des Français d'être maître chez eux, y compris, parce que c'est un droit qui fait partie de la liberté de son pays et de ses compatriotes, y compris le droit de dire ce qu'on pense, et d'écrire ce qu'on pense. D'accord. Je crois quand même que quand on est un patriote français, on doit, sans nécessairement partager les idées qui sont exprimées, défendre un principe assez élémentaire qui est la liberté pour les Français d'être libres chez eux. Il me semble que c'est quelque chose qui est à peu près audible. Or, visiblement, pour certains, c'est pas tout à fait clair. Hein. Il y a des mecs qui ont dit non, avec toute une série d'arguments un peu vaseux, pour se défausser, pour dire, pour fermer les yeux, pour détourner le regard, pour dire oui mais c'est pas très intelligent, voilà. Et puis j'ai entendu cet argument, c'est l'obsession d'Hervé Ryssen pour les juifs. Alors, je veux quand même débunker cette histoire-là. Imaginez, juste un instant, c'est-à-dire, avec cet argument-là, vous pouvez accuser absolument tous les professeurs d'université d'être des obsédés. Hervé Ryssen est ce qu'on appelle un spécialiste. Il s'est spécialisé dans l'étude d'une question qui me semble importante, mais qui a sa légitimité, qui est la question juive. Visiblement, c'est important, puisque si l'on en juge, c'est oui, par l'influence juive, et parce que les juifs nous disent de même constamment, que ce soit au cinéma, dans les médias, par l'État d'Israël et sa diplomatie, et bon, on voit que c'est quelque chose qui compte. Donc on a le droit de s'y intéresser, on a le droit de se spécialiser, et même d'être critique, ça me semble pas choquant. J'ai jamais entendu, dans la droite nationaliste française, des gens qui ont tapé, par exemple, sur un homme d'origine maghrébine comme Majid Oukacha, qui parle uniquement de la question du Coran, qui est critique sur le Coran et critique sur l'islam, et qui fait un travail, si vous voulez, de déconstruction de l'islam, un travail critique de l'islam. J'ai jamais entendu des gens dans nos milieux dire « le type est obsédé par l'islam ». Au contraire, les mecs disent « ouais, il est très bien ce garçon », etc. Alors c'est très curieux, mais on trouve toute une série de gens aux franges d'une certaine droite, vous voyez, qui voisine un petit peu avec... Alors que c'est analogue, hein, ça s'attaque juste pas la même cible, c'est la même chose. Hein. Bah, tout à fait, alors donc ça veut dire que Hervé Ryssen, on le traite d'obsédé simplement parce qu'il s'intéresse à ça. Bah, il a un intérêt là-dedans, et moi qui ai lu les ouvrages d'Hervé Ryssen, qui sont des ouvrages très sérieux, avec un raisonnement, je veux dire, c'est pas de la fantasmagorie, hein, je veux dire, il y a tellement de sources, si vous voulez, que c'est accablant. Mais bon... Il fait un travail. Et pourquoi a-t-on des spécialistes sur toute une série de questions? Quel est le rôle du spécialiste, justement, c'est de pouvoir mettre à disposition d'un public qui n'a pas le temps de se spécialiser une synthèse qui lui permette de faire le tour de la question sans consacrer autant de temps que le spécialiste en question. Moi, quand je m'intéresse à la question de l'archéologie, je ne sais pas, de l'ère celtique, je ne suis pas un archéologue, je ne suis pas un numismate, je ne peux pas me spécialiser dans tout ça, je n'ai pas le temps. Mais ça m'intéresse, j'ai envie d'avoir une synthèse pour comprendre dans les grandes lignes de quoi il retourne, parce que ça m'intéresse. C'est la même chose, là. Donc quand il y a des gens qui disent « Hervé Ryssen est obsédé », comment ça, obsédé, c'est un spécialiste ? Donc, il y a eu toute une série d'arguments comme ça pour essayer de délégitimer le fait de s'intéresser à la question juive et de s'y intéresser de manière critique. Dans nos milieux, je ne parle pas de la gauche, je parle de nos milieux. Et c'est très drôle, parce que finalement, cet argument de l'obsession, c'est l'argument des juifs. Les juifs, quand vous intéressez à ce qu'ils font, ils disent « Ah oui, c'est l'obsession antisémite », ils utilisent ce terme-là, vous voyez. Et c'est rigolo, parce que c'est le décalque. Sauf que j'ai du mal à comprendre pourquoi dans la droite nationaliste on trouverait des éléments de langage qui sont des décalques des éléments de langage de la communauté juive et de la LICRA. J'ai un problème avec ça, moi. J'en ai trouvé. Alors heureusement, ils ne sont pas majoritaires. Hein. D'ailleurs, je suis bien obligé d'observer que le rapport de force n'est pas vraiment en faveur des philosémites. Parce que la plupart des gens ont dû quand même, ceux qui ne sont pas sur la ligne d'Hervé Ryssen, enfin il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sur sa ligne qui l'ont défendu. Comme Renaud Camus, par exemple. Il y a des gens très différents. Renaud Camus, par exemple, est un pro-israélien revendiqué. Pierre Cassen est un pro-israélien revendiqué. Pierre Cassen s'est même rendu en Israël. Il a dit, voilà, je défends le principe de la liberté d'expression de Ryssen. Bon, il est assez cohérent. D'un autre côté, on a Thierry Messin qui a protesté contre l'emprisonnement d'Hervé Ryssen. Or, Thierry Messin est un antisioniste radical, tellement radical qu'il a dû fuir la France et qu'il réside maintenant, je crois, à Damas. Mais je ne suis pas sûr si ce n'est pas Damas, c'est le Liban, je ne sais plus. Peut-être ailleurs même. Donc on a des antisionistes radicaux et des pro-israéliens pratiquement radicaux aussi qui se focalisent sur autre chose, c'est sur la liberté d'expression des écrivains en France. Ils disent, allez, là on a un problème collectif. Et c'est jouer contre son propre camp que de ne pas défendre Ryssen, parce qu'il s'attaque aujourd'hui au cœur de cible, parce qu'en fait, les antisémites, que font les antisémites en fait? C'est les gens qui vont à l'essence, qui vont au cœur du dispositif ennemi en fait. D'accord? Mais une fois qu'ils se sont occupés des antisémites, ils vont élargir la cible, fatalement. Même la LICRA, je vois la LICRA cette semaine, ils sont pas idiots, je veux dire. Ils ont besoin de donner des gages aussi au public, parce qu'ils disent, voilà, on lutte contre le racisme et l'antisémitisme, mais au bout d'un moment, comme ils focalisent tellement sur l'antisémitisme, au bout d'un moment, il faut bien... Ils sont allés trouver la LICRA est allée trouver des photos de jouets avec des nègres qui singent, bon... Ouais, il y a ça, mais enfin, ils ont surtout, j'ai vu qu'ils ont fait un tweet à destination de CNews en disant Éric Zemmour a été condamné cette semaine. Alors, c'était très, très, c'est symbolique comme condamnation, hein, celle d'Éric Zemmour cette semaine. C'est pas pour ça que c'est légitime d'ailleurs, hein, on voit bien qu'il y a un harcèlement, mais il va pas en prison, Éric Zemmour. Mais il y a la LICRA qui a rebondi, qui a fait un tweet en citant CNews, en disant CNews, en gros, quand c'est que vous le virez? Pourquoi? Parce que la LICRA et la communauté juive et le CRIF sont sous pression parce qu'on leur dit « Attendez, vous roulez uniquement pour vous. » Or, ils prétendent à la neutralité, à l'impartialité, ce qui n'est pas le cas. Ils bossent uniquement pour leur propre compte. Donc, ça, c'est un harcèlement autorisé. Hein, pour le coup, on a vu le harcèlement non autorisé envers des nanas qui montrent leur cul sur Internet. Une nana qui montre son cul, il faut lui donner des sous. Si tu es sceptique par rapport à l'africanisation et l'islamisation de la France, on a le droit de te harceler, et puis en fait, ça s'appelle les valeurs de la République. Alors, messieurs, je voulais citer cet appel de Vincent Renoir. Vincent Renoir a transité par la prison de Fleury-Mérogis. Vous savez que Vincent Renoir est un chercheur révisionniste qui vit maintenant en exil en Grande-Bretagne, qui a une activité très soutenue dans ce domaine-là. Vous pouvez vous référer à son site internet très riche, dont voici l'adresse blog blogue-sc.com. Donc blog-sc.com, c'est blog sans concession. Vous tapez sans concession Renoir dans Google, vous trouverez. Et ayant transité par Fleury-Mérogis, il avait écrit un témoignage sur justement son expérience dans cette prison. Et alors, il avait republié juste quelques jours avant l'emprisonnement d'Hervé Ryssen. Et alors, il est en vente sur sa boutique, sur la boutique du site de Vincent Renoir que j'ai cité là, à l'adresse que j'ai citée. Et donc, il le vend et tous les profits seront reversés aux proches, à la famille d'Hervé Ryssen. Donc, si vous voulez aussi soutenir Hervé Ryssen, n'hésitez pas à vous reporter sur le site de Vincent Renoir, je voulais le dire. Et puis aussi, acheter les livres d'Hervé Ryssen sur son site personnel. Vous trouvez le lien sur le site de Démocratie Participative. Voilà, mais achetez-les ou même achetez-les pour les offrir à quelqu'un qui est encore un peu niais sur la question. Oui, ça peut être même si vous les avez déjà, c'est bon cas, à offrir, hein, c'est un joli cadeau. C'est un beau cadeau. Bientôt Noël. Il commence encore, à faire frais, oui, c'est pas encore Noël, mais voilà, il commence à faire frais, commence à préparer les cadeaux. Voilà, on approche d'octobre et les cadeaux c'est vers novembre, donc voilà, vous avez un mois pour réfléchir à tout ça. Comment dire, alors vite fait aussi sur Radio J, donc J comme janvier. Hein. Donc sur Radio J, on a vu l'avocate qui a une des avocates qui a fait jeter en prison Hervé Ryssen, bon, en compagnie de Goldanel, comme vous le savez quoi. Alors donc il y avait tout un parterre là d'activistes qui parlaient donc sur cette radio et qui bénéficient de subventions d'ailleurs de la part des contribuables français. Au passage, je le souligne. Et qui disait, qui se félicitait bien sûr de l'emprisonnement d'Hervé Ryssen, ils étaient contents, ils disaient que c'était bien, on venait à la répression dure. Alors elle représentait, je crois, l'OJE, Organisation Juive Européenne, qui rassemble une cinquantaine d'avocats, une armée d'avocats juifs, pour donc persécuter tous les opposants réels ou supposés donc de la toute-puissance, bien sûr, du lobby, qui n'existe pas, c'est bien entendu. Et dans l'émission, d'ailleurs, c'est cocasse. Elle explique, voilà, on représente une organisation, on est 50 avocats, on poursuit les trucs, et à un moment, elle dit, citant donc les opposants, oui, parce qu'ils parlent constamment d'un soi-disant lobby. Donc les types, t'as 50 avocats qui sont organisés, ils bossent à plein temps entre eux pour faire pression sur les pouvoirs publics pour foutre des gens en tôle. Mais c'est une rumeur. Et dans la même minute, tu vois, elle te dit que le lobby n'existe pas, il n'y a aucune, c'est une vue de l'esprit. Enfin, on a là aussi un phénomène de dissociation qui est assez intéressant. Hein. Voilà. Alors, ils ont annoncé... On pourrait dire qu'il est interdit de tromper les goïms. Interdit de tromper les goïms. Mais si le goï s'est trompé de lui-même, charré... C'est permis. Alors, ils ont annoncé lors de cette émission qu'en fait, ça y est, hein, les peines de prison, maintenant, ça va être systématisé. Donc, vous imaginez bien que ces activistes juifs sont en relation avec le CRIF. Le CRIF, représentant évidemment un État étranger, est en liaison permanente avec le gouvernement français. Dupond-Moretti a récemment été reçu par le président du CRIF, M. Khalifa, pour discuter toutes ces questions-là. Alors, des noms ont été donnés. Donc, je parle à nos auditeurs. Voilà, c'est... On va faire un peu de prospective. Donc évidemment, Alain Soral. Alors, Alain Soral est tout en haut de la liste. Hein. Ils veulent Alain Soral derrière les barreaux, c'est entendu. Alain Soral, aujourd'hui, est en exil en Suisse depuis arrestation qui a raté il y a un mois. Donc Alain Soral est en Suisse. Alors apparemment, de ce qu'ils disent, de ce que dit le pouvoir juif, ils pensent que Soral finira par revenir en France et qu'ils le coinceront à la minute où il mettra le pied sur le territoire français. Bon, c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Voilà. Donc, bon, on verra. Jérôme Bourbon, le rédacteur en chef du journal Rivarol. Clairement, ils veulent le mettre en prison. Hein. Ça a été annoncé. Hein, ils veulent mettre en prison Jérôme Bourbon. Donc, ils veulent mettre en prison des rédacteurs de journaux établis depuis plus de 50 ans. C'est plus de 50 ans. Hervé Ryssen, donc vous le dites, a fait des Juifs son obsession, même son fonds de commerce. Ça faisait longtemps hein, que vous attendiez une telle condamnation. Plusieurs mois de prison ferme, enfin l'incarcération d'un néo-nazi. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Hein. Oui, oui. C'est une victoire après tant d'années de combat. Alors, évidemment, c'est une victoire. Elle s'est faite en plusieurs étapes. La première étape, ça a été d'obtenir devant la 17e chambre correctionnelle des peines de prison ferme qui soient prononcées, puisque c'était déjà pas la nature de cette chambre et nous avons fini par l'obtenir après un long combat. Aujourd'hui, la deuxième étape de ce combat, et c'est un message positif, c'est l'exécution de ces peines qui, évidemment, est au moins aussi importante que leur prononcée. Mmh. Une grande victoire donc contre la haine, mais malheureusement, le combat n'est pas terminé. Certains continuent aussi hein, de déverser leur haine antisémite, à l'image d'Alain Soral. On en en parlait il y a encore récemment, malgré lui, plusieurs procès pour incitation à la haine, il arrive toujours à s'en sortir. Il n'a pas fait un seul jour de prison hein, depuis toutes ces années, au même titre d'ailleurs que Dieudonné. Et il est même parfois relaxé, comme on l'a vu encore récemment. Comment vous expliquez ça ? Oui, alors il n'est pas encore passé par la case prison, oui. Mais nous pouvons nous féliciter aujourd'hui que cette case prison, que la porte de la prison ait été ouverte et nous travaillons à ce que elle ne se referme pas oui. sur Rissen, mais qu'elle puisse également accueillir Soral, Dieudonné et autres. Tout à fait. L'union fait la force. Nous avons ressenti ce besoin de nous unir et puis également de nous spécialiser. Il faut savoir qu'à l'Organisation juive européenne aujourd'hui, nous nous subdivisons en sous-groupes. Nous sommes près d'une cinquantaine d'avocats, mais nous agissons par groupe de 4, 5, parfois 6 avocats et nous nous spécialisons sur ces personnalités de la fachosphère. Nous avons des groupes dédiés qui nous permettent d'affûter nos arguments, de mieux connaître nos ennemis et d'être plus efficaces au quotidien. Alors, Alain Soral, Hervé Rissen, on en parlait. Vous étiez aussi par ailleurs concentré sur un autre dossier, celui du cas de Jérôme Bourbon, oui. Directeur de la publication de Rivarol, ce journal carrément vichiste. Jérôme Bourbon, lui aussi, semble bénéficier aujourd'hui en quelque sorte d'une impunité, bon, faut mettre de gros guillemets, avec des peines de prison seulement avec sursis. Qu'est-ce qu'on peut dire de son cas à lui ? Alors, ce qu'on peut dire de son cas, c'est qu'effectivement, c'est une personnalité atypique. Il est à droite de l'extrême droite d'avant-guerre. On est vraiment dans la nostalgie du Troisième Reich. Et là, on a eu à évoquer 5 dossiers le 2 septembre. D'ailleurs, mon confrère Nicolas Benoist était venu à votre antenne en parler. Oui, ce sont des peines de prison assorties du sursis qui ont été requises par le procureur de la République. Mais 16 mois quand même. Et puis 20 000 € d'amende sous forme de jour-amende. Ça signifie que si les amendes ne sont pas payées, elles sont transformées en jours de prison et en l'occurrence 200 jours. Que dire si ce n'est que on ne peut pas préjuger de la décision qui sera rendue. Le délibéré n'a pas été rendu. Et ces peines qui ont été évoquées sont des peines qui ont été sollicitées par le parquet. C'est ça. On ne sait pas encore, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Ouais. On a l'impression finalement que tout ça, enfin toutes ces condamnations, ça ne les dissuade même pas, que ça en fait même une tribune pour eux, qu'on parle d'eux en permanence sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Évidemment. Évidemment, il se positionne en martyr d'une certaine censure. Évidemment, toujours les mêmes thèmes complotistes, dénonçant des lobbies que l'on connaît, etc. Alors, le combat n'est malheureusement pas du tout terminé. Nous combattons chaque jour sur le terrain à l'OJE et l'idée est vraiment de faire entendre à l'institution judiciaire, aux politiques, qu'il faut prendre le recul nécessaire et avoir la vision globale d'une situation. Ces acteurs de la fachosphère ne sont que le maillon d'une même chaîne, la chaîne de la haine du juif qui fédère des gens de tous bords qui entre eux ne s'entendent pas, ne se seraient jamais entendus au-delà de ce message de haine. Et les gens qui sont poursuivis pour des actes criminels, terroristes, les gens qui sont jugés actuellement, c'est l'actualité judiciaire pour l'hypercachère, dans le dossier hypercachère et Charlie Hebdo, ces gens font tous partie de la même chaîne. Et il est vraiment important que nos institutions aient le recul nécessaire là-dessus. Et c'est en ça que notre combat continue. Mais ils veulent les embastiller. Ce n'est pas une déclaration d'intention. Hein. C'est un programme. Bien. Il y a toute une série d'autres personnes. Je ne vais pas tout citer. Dieudonné aussi. Alors Dieudonné. Alors, je souhaite pas de mal à Dieudonné particulièrement, ni à Jérôme Bourbon, mais je souhaite beaucoup que les Juifs commettent l'erreur de mettre Dieudonné en prison. Vraiment, s'il y a une erreur qu'il faut qu'ils commettent, c'est celle-là. Hein. Et je pense, vu le ton, parce que j'ai regardé la discussion, alors ces gens sont déconnectés. Hein. Ils pensent avoir l'ascendant. Parce qu'ils pensent que les institutions penchent de leur côté. Ces gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Hein. C'est l'hubris total. Ils ont perdu contact avec le plancher des vaches. Ils ne réalisent pas ce qui est en train de se passer dans l'opinion. Et ils pensent, au contraire, qu'ils sont en train de gagner. Je m'avance rarement, mais je peux vous dire que, par contre, là, ils font une très grave erreur d'analyse de leur point de vue. C'est évident que, vu la composition ethnique des prisons en France et l'inclinaison islamique, voire islamiste qui s'y trouve, mettre Dieudonné dedans, ça serait mettre le feu à une, à la prairie. Oui, ça mêle le feu à quelque chose, à un antisémitisme étranger, islamo-halogène, tu veux dire, ouais, des banlieues, islamo-halogène, quoi, ouais. Ouais, islamo-halogène. Qui brûlerait, ma foi, je pense, pas mal de choses sur son passage. Oui, je pense, mais je me demande même si finalement Dieudonné n'est pas parvenu à la même conclusion. Hein. C'est fort possible. Fort possible. Il y a encore d'autres personnes hein, qui vont être en Bastille. Alors, je le dis bien, ça c'est le cœur, le noyau nucléaire en fait de l'opposition, mais ensuite ça sera étendu, parce que le principe sera étendu par définition. Ils vont dire, bon, d'accord, l'antisémitisme, on s'en occupe, mais ensuite il y a le racisme, etc. Donc, les gros malins qui disent, on n'est pas solidaires, Drissen, parce que tu comprends, il faut qu'on passe entre les gouttes, il faut qu'on soit discret, tu vois, on attend notre heure, tu vois, les juifs aussi attendent votre heure. Hein. Ça risque d'être assez costaud. Je pense qu'on devrait bientôt voir des gens qui ont critiqué l'immigration en des termes pas nécessairement violents, mais en sans concession, risque, à mon avis, d'avoir de certaines difficultés à l'image de Rissen. Hein. Bah, là, les gens qui ont critiqué l'immigration, on a vu avec la première partie de l'émission, oui. Les gens qui sont sceptiques sur les bienfaits des nanas qui montrent leur cul sur Internet, donc ça fait beaucoup de monde. Hein. Ça commence à faire beaucoup de monde potentiellement. Et d'ailleurs, dans la vidéo des juifs là, qui font des menaces, du coup, hein, parce que les juifs font des menaces, mais il n'y a pas de lobby juif, bon, c'est compliqué. Ils ont quand même qualifié Hervé Rissen de. Pas d'écrivain, ça les embête. Hein. Ils l'ont qualifié de négationniste et de néo-nazi. Voilà, encore une fois. Ce qui n'est pas un qualificatif adéquat pour qualifier Hervé Rissen, qui ne se prononce pas sur les questions des chambres à gaz, qui ne se prononce pas sur l'histoire du Troisième Reich. Jamais, jamais, jamais. Même pas en privé, je crois d'ailleurs. Il a été condamné pour négationnisme, pourquoi ? J'en avais parlé la fois précédente, de manière conditionnelle. Une partie de ses peines de prison vient du partage d'un montage d'une caricature de la vérité Sigement avec Sarkozy, Balkany, etc., devant un panneau Arbeit macht frei, n'est-ce pas? Et ça, écoute, ça, cher Pierrot, si tu ne le savais pas, ça rentre dans la catégorie de contestation des conclusions du tribunal de Nuremberg. Donc, on a le droit à tout ça, non? C'est bizarre, ça. Il y a des trucs, peut pas. Quoi. C'est... Dans Nuremberg, il y a Berg. Hein, Là où je voulais jouer, non, mais t'as raison, Derek, de préciser ça. Un deux poids, deux mesures assez intéressant. Je ne sais pas. Là, je voulais en venir, c'est que, en fait, on est tous des nazis. Voilà. Même si vous ne voulez pas, vous qui nous écoutez, des nazis, en fait, vous êtes des nazis. Hervé Rissen ne parle pas de nazisme, mais c'est un nazi, parce que, je ne sais pas. Soral est un nazi, bien sûr. Soral est un nazi, alors qu'une partie de son programme prône une réconciliation nationale, mais bon, c'est un nazi. Dieudonné est un nazi, d'ailleurs, aussi. Dieudonné était un suprématiste blanc, Dieudonné. Non, mais Dieudonné est un nazi, c'est un métis franco-camerounais. Mais il est suprématiste blanc aussi, on l'a accusé de ça. Hein. Ah ouais, ben non, mais on a même accusé le professeur Didier Raoult d'être un vichiste, parce que vous vous rendez compte, il est suivi par le peuple, donc Pétain, tout ça. Déjà, il est blanc. Ouais, non, en plus, le professeur Raoult, il est pas son opposition politique. Ah, pas du tout. Il se prononce pas sur des questions de politique au départ, il se prononce sur des questions de science, quoi. Tout à fait. Vincent Lapierre est un nazi, moi j'ai vu, il s'est fait chasser par les anti. C'est un métis. Du Venezuela, il s'est fait chasser par les antifas, nazis, fachos, enfin le mec est un nazi. Ouais, quoi. Bien sûr, qui nous écoutez, ça c'est quand même la conclusion. Bon, nous on est des nazis, mais nous pour le coup c'est vrai. Mais vous qui nous écoutez, des nazis aussi, même si vous le voulez pas, parce que je sais pas, papy était dans le maquis, ce que vous voulez, vous êtes des nazis, vous serez tous des nazis. Donc ça sert à rien d'essayer de passer entre les gouttes, on sera tous nazis. On vous a vu, hein. C'est la jurisprudence BHL. BHL, rappelez-vous, avec les islamistes, il avait créé ce néologisme, les nazi-islamistes. C'est marrant. Repris par Damien Rieu, d'ailleurs. Hein? C'est un terme qui est repris souvent par Damien Rieu. Ah, c'est étonnant. Non, ils ont l'esprit de suite. J'ai même presque envie de dire que la pensée juive ressemble un petit peu à un train auquel ils attachent des wagons. Le nazisme, le truc, c'est marrant, c'est bizarre. Et bref. que vous avez compris, donc la on le prend sur le ton de la blague, enfin c'est sérieux, d'accord, donc on rentre dans une nouvelle ère. Moi j'ai dit 2020-2030, c'est la décennie du bolchevisme, ça va être le judéo-bolchevisme tel qu'on l'a connu dans l'histoire, avec tous ces excès. Donc les l'hubris juif est totalement déchaîné, il contrôle totalement les pouvoirs publics, donc il lâche les chiens, évidemment. Il ne faudra pas s'attendre à... Voilà. Donc les types qui résistent comme Hervé Ryssen sont ce qu'on appelle des héros. Moi je dis que Hervé Ryssen est un héros, au meilleur sens du terme, au sens antique du terme. C'est quoi un héros? C'est quelqu'un qui, pour quelque chose de plus grand que lui, pour un idéal, si vous voulez, accepte d'aller au front, en sachant qu'il y a de fortes chances qu'il perde sa bataille à titre individuel. C'est-à-dire qu'il ne va pas perdre la guerre, mais lui, à titre individuel, il risque de périr, quoi. Donc, dans la meilleure tradition héroïque européenne, Hervé Ryssen, c'est ça. C'est quelqu'un qui fait preuve d'abnégation et qui va au-delà. Donc, des gens qui... parce que, peut-être, sur le Ryssen, il y a ça que je voulais dire. Et ensuite, bon, on en termine. Tous ceux qui se défaussent, là, toute une série de personnes qui se défaussent, qui essayent de justifier leur attitude de profonde lâcheté face à un homme, à un compatriote et un nationaliste qui est en prison pour avoir écrit des livres dans son pays, c'est une question d'attitude morale et d'attitude face à la vie. Si vous avez un camarade qui tombe aux mains des Rouges ou qui tombe aux mains des Juifs, vous ne pouvez pas l'abandonner derrière les lignes, vous ne pouvez pas le laisser derrière vous, ce n'est pas possible. C'est une question de rectitude vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres camarades. Si vous abandonnez votre camarade à l'ennemi, il n'y a plus de camaraderie, la camaraderie s'effondre. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il faut absolument tracer une ligne dans le sable autour d'Hervé. C'est pour ça que ce n'est pas du tout anodin. Si vous lâchez maintenant, si vous abandonnez Ryssen maintenant, demain vous abandonnerez quelqu'un d'autre, pour les mêmes raisons, foireuses d'ailleurs, où vous accepterez que des gens à côté de vous se débandent et se tirent. Donc on ne peut pas abandonner Ryssen à son sort, vous comprenez? On ne peut pas abandonner un camarade derrière les lignes. Il faut que nos camarades le sachent, c'est pour ça que c'est très important. Il faut que nos camarades sachent, partout où ils sont, que quand ils tombent aux mains de l'ennemi, on fera tout pour les récupérer. C'est très important. Il faut qu'on démontre que la camaraderie, ça existe. La camaraderie de combat, ça existe. Il faut le démontrer. Donc les types qui regardent ailleurs, qui essayent de justifier leur lâcheté par toute une série de subtilités, rhétoriques, ça ne doit pas passer. Ça ne doit pas passer. D'accord ? Peut-être que vous avez des réserves sur tel ou tel écrit de Ryssen, c'est pas la question. D'accord ? On est dans une confrontation, il y a un front, il n'y a que deux côtés au front. Soit vous êtes du côté de l'ennemi, soit vous êtes de notre côté, c'est-à-dire du côté de l'opposition, de la résistance, si on veut. Quoi. Mais il n'y a pas de troisième voie, vous voyez ? Vous ne pouvez pas aller pisser pendant que les deux camps s'affrontent, c'est pas possible. Et ça, c'est très important. Je voulais vraiment insister sur ce point-là. C'est vraiment, vraiment important. Et d'ailleurs, j'en profite pour souligner que normalement, je vais vous donner la date, Hervé passe en procès une nouvelle fois. Le 2 décembre. Le 2 décembre 2020, procès à 13h30 à la 17e chambre correctionnelle de Paris, au tribunal de la Porte de Clichy. Hervé Ryssen espère qu'il y aura beaucoup de gens pour venir le soutenir. Voilà. Il y a quand même, par rapport à cette date-là, comment ça va se passer là, par rapport au coronavirus et compagnie, mais ouais. Ça pourrait être marrant que les gens soient réunis devant le tribunal avec des masques. Hein, ça serait même indiqué, à mon avis. Hein. Oui, non, mais ça va. Même obligatoire, à mon sens. Ouais, ouais. Ça sera obligatoire, mais bon... Vous avez le droit de mettre des croix celtiques hein, sur vos masques noirs, hein, c'est pas interdit. Ouais, non, mais bon, en tout cas, ça fera un petit peu chier les services de renseignement, à part s'ils viennent à prendre des cartes d'identité de tout le monde, ce qui est possible aussi. Mais bon, voilà, c'est le fait de pouvoir se réunir comme ça devant un tribunal pour manifester le soutien à un camarade sans pouvoir être identifié par des photographies, déjà c'est déjà pas mal. Voilà. Alors, je voulais quand même peut-être conclure sur ce petit détail très intéressant. Darmanin était dimanche à la synagogue pour fêter, comment dirais-je, le nouvel an juif, Yom Kippour. Ouais, Yom Kippour. Voilà. Et il a précisé qu'il y avait 7000 militaires et policiers français qui étaient donc spécialement affectés à la défense de, comment dirais-je, 774 points. Juifs, c'est-à-dire écoles, synagogues et autres. Donc sachez que vous, Français de souche, évidemment, il n'y a pas de policiers ou de gendarmes pour défendre votre quartier en permanence, faire le planton devant votre église. Non, tout ça, ça n'existe pas. Par contre, il y a une garde prétorienne qui sert à protéger donc le peuple élu, qui n'a pas de pouvoir. Hein. J'ai entendu ça aussi. Certaines personnes, pour justifier le fait que Hervé Rissen raconte n'importe quoi, expliquent qu'en fait, les juifs n'ont pas de pouvoir en France. Bon, ils ont quand même visiblement suffisamment de pouvoir pour se ménager 7000 policiers et militaires pour leur protection, ce qui me fait dire qu'ils ont quand même des choses à se reprocher. Hein. Ce qui, je crois, fait entre 9 à 10 militaires par synagogue. Ouais. C'est pas mal. C'est même pas mal. Hein. C'est pas mal. Un commissariat. Petit commissariat de quartier. Ouais, pour. Ouais. On sait où vont nos impôts. C'est une mesure qui t'a plu, je pense, à se pérenniser. Hein. Oui, bah, c'est durable. Hein. De toute façon, je pense qu'il va y avoir des recrutements dans l'armée, dans les différents services de sécurité de l'État. Pour protéger les valeurs de la République. En tout cas, les Juifs sont très populaires et ça fait plaisir de le souligner. Alors, messieurs, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.